à tous sur Radio Campus Orsay. On a quelques problèmes actuellement, donc on va faire quelques playlists et on commencera sûrement vers 17h05. Merci. Come on. Bonjour à tous sur Radio Campus Orsay. Comment allez-vous? Ça va et toi? Tranquille. Ça va. Allez. Bon. Si on t'entend. Ah si. On a eu des petites, voire de grosses difficultés avec la présence déjà, puisque c'est la dernière émission avant les vacances. C'est la grosse dèche. Et c'est compliqué pour les gens de venir, apparemment, ça les intéresse plus. Non, je rigole. Ils sont partis en vacances. Non, c'est plus important les personnes qui sont là que les personnes qui ne sont pas là, n'est-ce pas? Merci. Ouais, c'est sûr. Oui. Bon, alors aujourd'hui on a un invité mystère, il va juste dire bonjour sans donner son prénom. Bonjour. Wow. Il ne donne pas mon prénom. Je ne donne pas mon prénom, il ne donnera pas son prénom, mais il aura sa section, il va nous parler de lui un peu. Ça va être passionnant. Ça te fait peur? Ça va. Ça va. Ça va sur 20. J'aborde cette étape de ma vie avec confiance. Avec confiance. Bon, sinon, confiance. On retrouvera ouf. Présent, toujours là. Toujours enfin, pas là. Toujours, pas toujours. Pas toujours, mais les moments où t'es là, quoi. Voilà. Ça me plaise. On a Alex. Hello. Ça va? Ça va, tranquille. Je suis bien là. T'es bien. Ah, oui. Tu es mieux que la semaine dernière. Oui, oui, je suis meilleure santé. Bah, tu as fait un gros effort la semaine dernière pour pouvoir venir et à la fin de l'émission, tu n'étais pas très bien. J'ai failli mourir, mais ça va mieux. Alors, salut, c'est quoi ton prénom? Moi, c'est Tiffany. Mais ça aurait pu être le deuxième invité mystère. Et c'est terrible. On peut rattraper le coup, Et c'est un échec. En fait, c'est un pseudo. Alors, que fais-tu, Tiffany? Moi, je suis en première année d'IFMEN. Et faut que tu te rapproches un peu du micro. Ah, c'est quoi l'IFMEN? Et c'est quoi IFMEN? C'est un truc de radio. Tu sais, tous les manipulateurs radio et tout. D'accord, de... Paris. D'accord, c'est de l'imagerie médicale. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Super. Bon, alors on va essayer de faire ce qu'on peut ce soir. Normalement, il y a des invités qui risquent d'arriver là dans les prénoms. On est toujours surpris, on sait jamais s'ils vont arriver ou pas. Même nous, je pense qu'on a moins de chances de savoir que vous. Je sais pas comment c'est possible, mais c'est le cas. Alors ouais. Normalement, on aura peut-être une présentation d'une association sur le campus et qui est une association qui est présente sur toute la France. Il y en a une dizaine, il me semble. C'est l'Agorae. Alors, qu'est-ce que c'est l'Agorae? Vous verrez peut-être plus tard, ou sinon, ce sera pour une autre émission. En tout cas, aujourd'hui, on est là pour pouvoir vous présenter un minimum de contenu malgré les absents. Ouais. Et voilà. Alors, je vais vous mettre une petite musique. Et nous, on va s'organiser après ce problème technique qui nous a pris, waouh, 10 minutes. Je vais vous mettre une petite musique. On s'excuse. Et on va se retrouver après. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous mettre pour un minimum de surprise? Une chanson de Noël. Une chanson de Noël? Ah, moi, formidable. Je suis pour une chanson de Noël. C'est trop cliché. C'est cliché, c'est mais c'est bien. Après, c'est on a le choix entre Noël traditionnel et Noël un peu. On va faire un remix fin. Est-ce que tu peux trouver du heavy metal de Noël? Putain, genre. Est-ce qu'il y a moyen? Là, je suis en train de chercher. Rammstein de Noël, tu vois. Vous me demandez trop. Là, vous m'en demandez beaucoup. Non, fais ce que tu peux avant tout. Nice! Oh, t'as mis la base! A tout de suite. All I want for On se retrouve juste après la musique de Noël la moins originale du monde, de Mariah Carey, All I Want for Christmas. Merci beaucoup. Merci, merci. Bon, vous êtes toujours là ? Oui. On est là. Est-ce que, pour la dernière émission de l'année, on ne présenterait pas une découverte culturelle ? C'est intéressant. Qu'on a vu cette année, franchement, ouais. Je suis chaud. Qu'est-ce que... Oula, c'est quoi ça ? Je ne sais pas quel vinyle j'ai mis, mais il me semble que c'est du Bob Sinclair. C'est magique, non ? Ouais, c'est stylé. Est-ce que Raouf, tu veux commencer ? T'as quelque chose de spécial à nous présenter ? Alors, je sais pas si vous connaissez, mais un ami m'a fait récemment découvrir le livre Gone. C'est un livre qui s'étend sur 6 livres. Enfin, c'est une En 6 tomes ? En 6 tomes, excuse-moi. Mm-hmm. Ouais. Et ça parle de quoi ? Alors, c'est grave. Dans chaque résumé, ça commence par imaginer. Ouais. Et en fait, le slogan du livre, c'est « Imaginez un monde sans adultes ». Pourquoi ? Ouais. Parce que, au bout d'un moment, aussi soudain qu'il ne soit, tous ceux qui ont plus de 15 ans, ils disparaissent. Ouais. Et en plus de ça, il y a une barrière qui les coupe du monde extérieur. Mmh. D'accord. Qui fait un... On va pas spoiler, mais en fait, genre, le point central, c'est une usine nucléaire. Mmh. Et sur un rayon de 30 km, ça fait une barrière. D'accord. Qui les empêche de quitter, la zone. Ok. Et c'est un peu... C'est comme les... Enfin, c'est des livres pour adolescents ou... Ouais, franchement, ouais. Ouais. Ouais, vraiment pour adolescents. Et ça, c'est un seul tome. Les autres, tous les tomes ne sont pas centrés là-dessus. En fait, si. Si, carrément. J'ai lu genre le premier tome. Dans le premier tome, ils mettent vraiment en place la situation. Et dans les tomes suivants, on va essayer de découvrir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il n'y a pas seulement les adultes qui disparaissent, il y a d'autres phénomènes qui arrivent. Je ne vais pas spoiler. Dans le tome 1, d'autres phénomènes qui arrivent. Et évidemment, c'est des enfants qui doivent essayer de survivre, tu vois. Et dans le tome 2, ils commencent un peu à développer genre qu'est-ce qui se passe, quel est le problème principal. Mais je ne suis pas allé plus loin que le tome 2. Donc je pense que dans le tome 3, on saura qu'est-ce qui se passe vraiment. Pourquoi ils sont coupés du monde et pourquoi à 15 ans, ils disparaissent. Il y a juste un élu. Ouais. Et voilà. Et pourquoi il disparaît pas ? Donc, Gone. Et c'est de qui ? C'est de Michael... j'ai oublié. Et c'est vraiment vieux, hein. Ça a dû sortir Michael... il y a... Ah oui. Il y a 8 ans, tu vois. Raouf, tu les as tous lus, toi ? Non, j'ai commencé que récemment. Je suis en train de lire le deuxième. D'accord. Et donc, juste pour faire simple, c'est un truc qu'on lira au cours de... C'est pas spoilé, c'est un truc qu'on apprend dans le tome 1. Oui. Il y a eu, il y a 15 ans de ce livre, c'est-à-dire au moment là où il y a... En fait, quand ceux qui ont plus de 15 ans disparaissent, ils appellent ça le grand saut. Mmh. Ça, les gens vont comprendre à la fin du tome 1 pourquoi on appelle ça le grand saut. Mais il y a 15 ans, il y a eu une catastrophe nucléaire. Mmh. Et comme par hasard, le centre de la zone, c'est la centrale nucléaire. Donc il y a il y a des petites idées qui se font ressortir autour de qui est-ce qui a pu créer la zone et tout. Ça, on l'apprendra évidemment dans le tome 1. Comment sortir de la zone, on n'en sait toujours rien. Mais la seule chose qui est intéressante et la seule chose que je kiffe dans ce manga... excusez-moi. Livre, c'est un livre. Bah, justement parce que ça me rappelle un manga qui s'appelle Darwin's Game. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Voilà. Bah, ce livre-là, en fait, les gens développent des super pouvoirs. Enfin, on les appelle les mutants comme dans X-Men. Mmh. Mais franchement, c'est ce qui est intéressant, c'est que chacun a un pouvoir distinct des autres. Et pas tous en ont. D'accord. Ce qui fait que ça va creuser des différences. Les uns vont se lever contre les autres. Je ne spoil pas plus. Je vous donne envie vraiment de le lire parce que c'est vraiment... Ça se lit très rapidement. Franchement, même s'il y a 600 pages, ça se lit très très rapidement, mais vraiment rapidement. Surtout le tome 1. Et c'est super intéressant. Franchement, c'est super intéressant. Après, je pense qu'il faut s'accrocher après le tome 2. Je sais que j'ai un peu abandonné après le tome 2. Terrible. Mais le tome 1, il se lit en quelques heures. Vraiment. Ouais. Ah ouais. D'accord. Franchement, si vous êtes déterminé, que vous kiffez genre tout ce qui est fantastique. Aussi, franchement, il y a un peu de la romance dans le sens là où, vu que c'est des adolescents qui c'est pour les adolescents, commencent à grandir et tout, ça, voilà. Oui, c'est assez typique quand même. Comme et puis, franchement, j'aimerais savoir comment est-ce que vous vous débrouillerez si... pensez à votre vous-même de quand vous aviez 15 ans. Comment vous vous débrouillerez sans adulte ? Sachant que du coup, il n'y a personne pour travailler, personne J'aurais pour faire... J'aurais fait la fête. D'accord, mais tout le temps, mais au bout d'un moment, genre, la nourriture vient à manquer, réfléchis, tu vois. La nourriture vient à manquer. Mais y a plus de ce capic depuis 3 jours là, voilà. Nous les adolescents on mange beaucoup quand même. En pleine puberté et tout. Le deuxième tome justement il s'appelle La Fin. Voilà. Voilà. Voilà. La Fin F-I-N ou F-I-M? Non, La Fin, genre j'ai faim, tu vois. Ah, genre j'ai faim. Je veux manger et tout. Genre ce capic. Voilà, le capic, y a plus. Ouais. Ok. Et toi t'en avais pas entendu parler, l'invité mystère? Non. Pas du tout. Rien. Même si c'est sorti. Et du coup, qu'est-ce que tu ferais si les adultes disparaissaient? Quand, imagine-toi à 15 ans, complètement bête, complètement stupide, tu vois. Bah voilà, c'est très bien bêtes, résumé. Ouais. Voilà. À 15 ans, tout le monde disparaît, tous les adultes disparaissent. Est-ce que tu paniquerais, tu penses? Ou est-ce que tu serais juste en mode beauf? Non, voilà. Je pense que. Oh, bien beauf là dans le canapé, là, ouais, on bat les couilles. Non, je pense que ça serait tendu quand même. Non, mais. Me considérant personnellement comme un adulte. Je suis directement concerné, voilà. Je pense pas que on peut s'en foutre en fait. Enfin, sûrement, mais. Mais est-ce que tu serais dans la catégorie des gens qui veulent genre régner sur le monde des 15 ans ou est-ce que tu serais plus. Non, pareil. Non, je pense que je serais plus intrigué par le fait qu'on puisse pas sortir, tu vois. Et non, mais en fait, je voudrais savoir pourquoi en fait, juste tout simplement, je pense. Donc tu serais plus intrigué par le fait qu'on peut pas sortir du monde plutôt que bonjour. Non, mais en fait, toute cette histoire de bah 15 ans disparaît, on peut pas sortir de cette fameuse zone. Donc est-ce que tu deviendrais parano ou est-ce que tu vivrais comme si demain était ton dernier jour? Bah, ça dépend si j'ai 15 ans le lendemain ou pas, tu vois. Non, mais ok, d'accord, mais je veux dire en général, imagine t'as 14 ans. Voilà. T'auras 15 ans dans 10 mois. Bah, je commencerai à me poser des grosses questions, tu sais, genre. Là, c'est chaud quand même, les mecs. Ce serait ton. Ok, d'accord. Et toi, Tiffany? Moi, quoi? Bah, si tu vivais dans ce monde, comment tu serais? Est-ce que tu serais dans le déni ou est-ce que justement tu vivrais comme si demain t'allais crever, tu vois? Je pense que au départ, je serais super contente. Mais combien de temps il faudrait pour te réaliser qu'on est dans la merde? Quand il n'y aura plus rien à manger. Bah le tome 2. Ah bah oh, voilà. Là je me dirais peut-être qu'il faudrait partir quelque part. Mais non, je sais pas trop. Et aussi, je spoil absolument rien, mais vraiment rien. Mais il y a des facteurs qui font vraiment peur dans ce tome. Ouais. Ouais. C'est justement, on appelle les humains. Enfin, les enfants mutants, mais il faut savoir que c'est pas les seules choses qui ont muté. D'accord, ok. Et c'est pas le début du tome 2, ça. Comment ? C'est pas le début du tome 2, ça. Non, c'est au tome 1 qu'on commence à en voir, et dans le tome 2, on découvre des choses, enfin, un mutant qui est atroce. Ouais. Atroce, très très meuf. J'ai le tome 3 si tu veux d'ailleurs, si tu l'as pas encore acheté. À tout moment. T'essayes de le revendre, c'est ça ? T'as plus envie de le dire. Bon, moi je suis pas totalement convaincu. Hein. Si Alex a lu très vite les premiers, mais s'est arrêté au troisième. Non, franchement, il est vraiment kiffant. Bon, bah, gone. Et franchement, le truc qui est vraiment dommage, mais vraiment, vraiment dommage, c'est qu'il n'y a aucun film qui a été fait dessus, aucune série qui a été faite dessus. Et franchement, s'il y a un réalisateur qui avait les moyens de le faire, franchement, ça serait une série ou un film qui aurait fait vraiment un carton de l'histoire, des effets qu'il aurait pu faire dessus et tout. Mais franchement, ça aurait été vraiment une tuerie. À la place, ils ont décidé de faire Percy Jackson et de rater tous les films. Voilà, c'est dit. Ok, donc c'est Gone de Michael Grant. Et avec les six tomes. Mais Percy Jackson, franchement, faut pas s'arrêter au film. Les livres sont vraiment bien. Donc je conseille c'est aussi. C'est dit. Voilà. Le message est passé. Voilà, sinon, à part Gone, qu'est-ce que vous avez découvert en 2017? Enfin, cette année-là. Moi, il y a... Cette année, c'est en début d'année, mais Coherence, c'est un film américain. Ouais. C'est vachement intéressant de deux points de vue. Alors l'histoire, c'est c'est bof plausible hein, scientifiquement parlant, mais c'est quand même intéressant. Il y a une météorite qui passe très proche de la Terre, ça modifie la gravité, ça va causer des événements, enfin ça va rentrer l'endroit où ils sont, ça va subir les lois de la physique quantique qui va séparer les mondes en mondes parallèles, etc. Et ce qui est intéressant, c'est plus ce qui m'a vraiment intéressé, c'est l'aspect social, comment les personnes réagissent pendant cette soirée. C'est en huis clos, c'est à petit budget, mais c'est vraiment super intéressant. Coherence, ça se trouve pas facilement et je crois qu'il y a que en anglais qu'on peut le trouver, mais c'est cool. Voilà. Et toi, Tiffany? Je regarde pas trop de manga, enfin, je lis pas trop de manga et ni de BD, mais là il y a une série que j'ai commencé à regarder hier parce que je voulais regarder hier et ça parlait Attends que je retrouve le titre. Je crois que c'est Si c'était un rêve. En fait, c'est une fille qui fait des rêves et ça devient réalité. Mais elle ne sait pas si ça va se passer demain ou dans plusieurs mois ou plusieurs années. D'accord. Et du coup, bah, y a des mystères partout. Et bah, entre... c'est un mélange entre amour, comment dire, fiction et autre chose. Et, bah, moi, j'aime bien. Ça s'appelle Si c'était un rêve. Ouais, c'est une série coréenne, drama. D'accord. Mmh. C'est une sorte de phénomène Raven. Je sais pas si vous vous en souvenez. Non, non. Ah oui, c'était génial. Phénomène Raven. Parce qu'elle regarde dans le vide et qu'elle est en mode waouh. Ouais, voilà. Ouais, mais phénomène Raven, c'est elle avait des flashs, alors que elle, c'est quand elle dort. Ah, ok. Donc, c'est pareil. Bon, ça va. Et toi, mystérieux jeune homme ? Moi, j'ai... une grosse découverte, hein, là. le mystérieux, il sort des choses mystérieuses un petit peu. Hein. Ouais, le mystère. Non, moi, j'ai commencé une série pas plus tard que hier dans le bus pour venir. Parfait. C'est une série allemande qui est sortie il n'y a pas longtemps qui s'appelle Dark. Oh, je ne sais pas si vous avez vu. Oui. Ouais. Et en fait, c'est donc ça se passe. En fait, ça se passe en donc l'action principale entre guillemets se passe en 2019. Et c'est un petit village dans l'Allemagne à côté d'une centrale nucléaire. Et il y a une série de disparitions d'enfants totalement improbables en fait. Et dans des sites avec où la police ne sait rien ou trouve aucune information là-dessus, aucun indice. Et en fait, on se rend compte que les événements qui se passent à cette époque-là, en fait, sont liés à des événements qui sont passés 30 ans plus tôt. Et donc des, enfin, je vais pas non plus spoiler parce que sinon j'en dirais beaucoup, mais c'est vachement intéressant en fait la dualité en fait de l'action dans le passé et les influences que ça va avoir sur le futur, etc. Et non, c'était bien cool. J'ai commencé ça hier. J'ai regardé quelques épisodes, mais donc je peux pas trop, mais c'était vachement bien. J'ai bien aimé. Vraiment, si vous avez aimé Stranger Things, je pense que c'est ouais, une bonne série pour vous. Ambiance un peu sombre, mais en plus parle allemand, donc c'est ouais, génial. Oui, donc disponible en allemand. Et tout. Mais ouais, une ambiance sympa. Dark donc. Alex, qu'est-ce que t'as pour nous surprendre? J'ai découvert tellement de trucs cette année. Vas-y, toi t'as le droit à 2-3 parce que c'est vrai, tu découvres plus de trucs. Ah oui, voilà. Alors j'ai découvert, c'est un manga qui s'appelle Orange, il me semble. Si des gens connaissent, je parle plus près du micro, c'est là. Okay. Et en gros, c'est une fille qui reçoit une lettre et elle sait que son ami va se suicider dans quelques années. Et le but, c'est d'essayer de changer les jours qu'elle vit avec pour justement l'empêcher de se suicider. Mais du coup, elle sait pas quel sera l'élément déclencheur de son suicide. C'est juste sa pote qui a envie de beaucoup d'attention. Ah, je vais me suicider. Non, non, c'est, ah. c'est un mec, en gros, il me semble que ça fait longtemps que je l'ai lu, donc peut-être que je raconte de la merde, mais il me semble qu'elle fait un rêve et qu'elle se rend compte que les événements dans son rêve sont vachement cohérents par rapport aux événements réels. Mmh. Et du coup, elle essaie vraiment... elle sait pas trop quoi faire pour empêcher son pote de se suicider. Et ça, t'as un peu un monde parallèle parce que dans un monde, justement, elle se suicide. Et elle reçoit une lettre d'elle-même, justement, dans son rêve, qui lui dit comme quoi, oui, ton pote va se suicider dans 20 ans. Ceux-là sont des éléments déclencheurs. Dans 20 ans, il y a le temps, franchement. Non, non. Tranquille. Non, non, pardon, non. Ça fait longtemps. C'est son futur dans 20 ans qui lui envoie une lettre, parce que, justement, elle regrette. Et il se suicide, genre, quand ils sont au lycée, tu vois. Et elle lui écrit une lettre, justement, en lui disant, oui, il y aura ces événements-là qui vont... Voilà ce qu'il faut que tu fasses pour éviter qu'il se suicide. Le truc, c'est qu'elle lit la lettre trop tard et qu'elle se rend compte qu'il y a plusieurs événements qui sont déjà arrivés. Et du coup, maintenant, elle doit essayer de rattraper la chose pour éviter que son... Ça fait des frissons, ça fait un peu peur. Hein. Que le mec se suicide. Et vraiment, jusqu'au bout, tu te demandes est-ce qu'il va le faire ou est-ce qu'il va pas le faire. C'est un manga, tu m'as dit ? Ouais. Mais tu peux le trouver en animé aussi, mais l'animé est vachement long, tu vois. Genre, en général, un animé, tu mets genre 3 épisodes pour faire un tome. Donc, je vous conseille vraiment le manga. C'est quelques tomes, le manga en plus, donc... Et une autre chose que j'ai découvert cette année, c'est un film qui s'appelle La Mise à mort du cerf sacré. C'est sorti récemment. Ça va pas de la gueule comme ça. C'est sorti récemment au cinéma. Et il va sortir bientôt en DVD. Et franchement, c'est un super film à aller voir. Les acteurs, ils sont vraiment bizarres. On a vraiment. Au début, t'as du mal à te mettre dans le film parce que les acteurs jouent de manière tellement monotone. Ils parlent de façon très monotone. Donc on a du mal à se mettre là-dedans. Mais le héros principal, en gros, il a un choix à faire. Il est obligé de tuer une personne. Il est obligé. Ouais. J'ai pas envie de trop spoiler, hein, mais il est vraiment obligé de tuer une personne. Et jusqu'au bout, on sait pas vraiment qui il va tuer. Et on sait pas comment il va s'y prendre, etc. Et c'est un peu un... Un loup-garou. C'est le jeu du loup-garou. Non, c'est pas du tout ça, parce que c'est un mélange... C'est un peu c'est, évidemment, c'est fantastique, parce qu'il a, il est forcé de tuer quelqu'un, sinon tout le monde meurt sauf lui. Et du coup, il sait pas qui tuer. Genre, si toi, tu devais tuer quelqu'un, dans ta famille, évidemment, c'est une personne de sa famille qu'il doit tuer. Et que t'es, c'est soit toi tu choisis de tuer quelqu'un, soit tout le monde meurt. Mon chien. Moi. Ouais, moi aussi. Tu peux, je pense pas que ça... Ouais, toi. Il y a des gens qui seraient toi, mais... Mais tu vois à quel point les gens dans ce film deviennent égoïstes. Ouais, c'est vrai. Parce qu'ils veulent justement pas mourir. Et du coup, ils vont tout faire pour justement rabaisser les uns les autres dans leur famille. Après, c'est... franchement, on pense tous comme ça. Et... Les Japonais, ils ont vraiment cette vision. Enfin, ils partagent vraiment cette vision-là parce que... J'ai découvert trois mangas qu'un ami m'a fait découvrir. C'est Death Choice, King's Game, tu connais ? Ouais. Et un autre, bon, c'est ça a pas grand rapport avec c'est pas des survival games, ça s'appelle Darwin's Game, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Dans King's Game et Death Choice, franchement, ils te mettent vraiment en valeur cet égoïsme pour survivre, tu vois. L'égoïsme des personnes pour survivre. Mais là, ce qui est violent, c'est quand même c'est des gens de la même famille, genre proches. C'est-à-dire ouais, c'est sa femme et ses enfants. Et quelqu'un... Ça s'appelle Orange. Non, ça c'est la mise à mort du Saint-Sacré. D'ailleurs, en plus, il y a une raison pour laquelle ça s'appelle la mise à mort du Saint-Sacré. Donc, faudra. Ça, par contre, c'est pas dit dans le film, faut rechercher après, c'est très intéressant. Mais là, c'est pas vraiment des gens, tu sais, qui sont mis dans la même situation et qui se connaissent pas. Là, c'est des gens qui ont vécu ensemble pendant plusieurs années, une mère et ses enfants. Et ils se rabaissent les uns les autres. C'est vraiment horrible. Enfin, c'est horrible, mais tu te dis quand même quoi, c'est vrai. Et à la place du mec, je sais pas quel choix j'aurais fait. Et je vous dis pas quel choix il a fait, mais c'est un super film, voilà. Et les acteurs jouent vraiment bien et j'aime beaucoup la manière dont ça a été filmé aussi, étrangement. C'est hypnotisant, c'est vraiment bien, j'aime bien. Voilà, je le conseille. Dit comme ça a l'air d'être un film très snob, très 16e, mais vraiment c'est trop bien. Ok, ouais. Alors on a la mise à mort du cerf sacré. C'est pour Mathilde, ça. On a la mise à mort du cerf sacré, on a Gone, qui est un livre de Michael Grant. Tiffany nous a parlé de Si c'était un rêve, qui est une série coréenne. Théo Dark, qui est une série allemande. Et je vous ai parlé. Cohérence. Et Orange et Cohérence, qui est un film américain. Et juste un dernier truc. Franchement, c'est un truc que je conseille. C'est très très rapide. C'est ce dont je parlais, c'est Death Choice. C'est que 3 tomes. Franchement, si vous avez personne ne peut me dire j'ai pas le temps de lire et tout. Franchement, c'est 3 tomes. Et franchement, il est archi bien fait dans le sens là où il y a un début, un milieu, une fin. Les choses sont archi bien faites. Mais donc, est-ce qu'on peut trouver le scan sur internet, tu vois? Parce que c'est pas genre le temps, c'est juste l'argent. Après, le problème, le gros problème, c'est que c'est archi récent. Quand je dis archi récent, c'est. Je lui donne même pas 5 ans. Donc franchement, je le conseille. Je vous laisse savoir de quoi ça parle. Ça s'appelle Death Choice. Ça se passe dans une classe. J'en dis pas plus. Ok. Bon, allez, une petite pause musicale et on se retrouve après pour une anecdote. Ah, j'ai une anecdote. Génial. Thank you. Bye bye Macadam de Rhône. Bon, on se retrouve, on a fait un petit roulement. Salut Mathilde, comment tu vas ? Bonsoir, je vais très bien. Très bien. Tu es content de revenir à la radio ? Que ça. T'attendais absolument que ça ? Exactement. Est-ce que tu vas nous faire le plaisir de venir de manière régulière pour faire des surprises ? Ça serait bien ça. Oui, si vous voulez, je peux de temps en temps venir. De temps en temps. Voilà, comme ça par petites piqûres, par petites doses, un peu comme la madeleine de Proust qu'on déguste parfois. Avec plaisir et avec grande surprise. Moi, voilà, je trouve ça très chouette. Tous les vendredis, donc. Tous les vendredis. Moi, je suis même curieux de savoir qui est notre invité mystère. Qui es-tu ? C'est vrai. Qui es-tu ? Non, mais bon, on va lui faire un portrait chinois. Hein. Ouais. Allez-y, faites-vous plaisir. C'est quoi un portrait chinois ? Un portrait chinois, c'est quoi ? Bien, invité mystère. Explique-nous. Si tu étais un animal, tu serais ? Tu étais un animal. C'est une bonne question. Faut que ce soit spontané, n'aie pas peur. Ah ouais, pas peur. Bah vu que je suis grand, je dirais bien une girafe, mais... Tu es grand ? Oui. Oh, c'est vrai que là... Gros indice. Gros indice. On part sur un indice de qualité. Est-ce que je peux donner un avis extérieur ? Genre, comment est-ce que moi je le verrais comme animal ? Ah bah non. C'est lui qui se présente. Ouais, mais il peut vouloir genre s'améliorer. Alors, tu vois, genre, vas-y. Ah ouais, c'est la girafe, grosse amélioration. Alors pourquoi ce serait un tigre ? Non, ce serait pas un tigre. Je trouve que t'as l'air d'un panda en fait. Un panda. Un panda. Ah oui, d'accord. Oh, donc câlin, t'es grand et gros. Non, pas du tout gros. Avec des yeux noirs. Il a l'air vachement. Je sais pas, t'as l'air doux. Genre, ah. Tu t'appelles oh. Bonjour, je suis Théo. Oui. Et tout. C'est vrai qu'il. Voilà. Ah, le panda donc. Ouais, pourquoi pas, moi ça me va. Hein. Et t'habitais où ? Non, mais c'est pas encore les bonnes questions. Là, bon, on va continuer le portrait mystère. Là, vous me. Mais désespéré, c'est terrible. Terrible. Mathilde, t'as quoi comme question à lui poser ? Moi j'ai une question. Ouais. Oui. Si t'étais un plat, qu'est-ce que tu serais ? Ça un peut être plat. Tout type de plat hein, confondu. Hein. Te limite pas à l'entrée, au dessert. Un petit peu de folie quoi. À volonté ou pas. Brandade de girafe. Accompagnée de son ragoût de panda. C'est ça. Et là tu as toutes les ONG du monde à ton cul. Non mais c'est pas grave, c'est les périodes de Noël, beaucoup de personnes se lâchent et se contredisent. Du tiramisu. Tiramisu, ah, ça reste assez neutre, ouais, c'est sympa. Ouais, mais j'adore ça, donc voilà, je sais pas, peut-être que je suis, ma vision est perturbée par mon ventre, mais je ne sais pas. En gros, t'es mou à la surface et dur à l'intérieur, ça. Non, exactement, peut-être. Ouh là là, on en dit beaucoup sur ta psychologie ce soir. Là, c'est vraiment à cœur ouvert. Hein. Ouais. Et ça fait tousser. Ah non. Ouais, non. Et toi, tu veux rajouter quelque chose, Alex ? Ce serait plus. Bah, je pense que tu serais plus un plat de spaghetti à la bolognaise. Alors. Et pourquoi ? Parce qu'il faut un argument quand même. Je sais pas. Je pensais que t'étais italien quand je t'ai vu. Alors, pas du tout. Bah voilà, t'as une tête d'italien. Enfin, pas du tout, non, je suis pas italien. Mais plus à l'ouest. Plus à l'ouest ? À l'ouest. L'Italie. Si on reste. Portugais ? Un peu plus à l'Espagne. Espagnol. C'est ça, les origines espagnoles. Et donc voilà. Voilà, donc chaud, méditerranéen quoi. Quand même. Attends, on a un fac de sciences, on du coup, je comprends, c'est pas des spaghettis bolognaise, c'est une paella. Ah bah voilà, très bien. Voilà, et bah voilà, parfait. Et si tu étais. Une couleur. Un alcool. Une couleur. Mettez-vous d'accord. Une couleur. Une couleur bleue. Pourquoi le bleu ? Parce que je trouve ça. Je sais pas, moi dans ma tête, je pense à une ambiance calme et je pense que je suis pas trop. Je suis pas très calme, et le bleu ça me va bien, voilà, c'est calme. Non, je sais pas, je peux opposer, je pense, donc voilà. Bleu clair ou foncé ? Non, bleu. Un bleu profond, tu vois. C'est... Le A27.5 dans le catalogue. Exactement, voilà, non, voilà, bleu, je pense. Ok. Moi je trouve que ça lui va bien le bleu. Alex lui mettrait quelle couleur ? Non, bleu, ça doit bien. Bleu, c'est, bien. C'est une couleur basique. Ça va, ah, panda c'est bleu qui mange, voilà, tout de suite, on est un panda bleu qui mange de la paella, donc. Bon, mais là, c'était le moment de l'anecdote. Attends, t'es quoi comme alcool ? Ah oui, comme alcool. Bonne question, également. Un russe blanc. Pour faire plaisir à Mathias. Parce que je suis doux, c'est comme le panda. Ah bah oui. Voilà. Voilà, il est lacté, il a un petit goût de café comme le tiramisu, voilà. Tu vois. Pas mal. C'est un russe blanc qui vient d'Espagne. Accompagné de ses gambas. Ah, sympa. Voilà. Bon, moi, j'ai juste hâte, en fait, d'entendre l'anecdote d'Alex. Et si jamais tu étais un poisson. Parlons plutôt d'anecdote. Quel est ton signe astrologique? Non, mais l'anecdote. Mon signe astrologique, je suis scorpion. Scorpion. Ah. Ah, mais ça me fait penser à une anecdote, ça. Tu viens d'où, toi, Alex? De République tchèque. De République tchèque? Oui. Attends, oui. Rapproche-toi un petit peu du micro. Voilà. Tu te rapproches du micro, oui. Ok. Alors, de République tchèque, alors. Effectivement, mon pays d'origine. C'est un petit pays qui n'est plus accroché à la Slovaquie, pour ceux qui se demandent encore. Et j'y vais, du coup, tous les ans, soit en été, soit en hiver, pour aller voir ma famille qui est là-bas. Ma grand-mère, en l'occurrence, parce que mes parents habitent ici avec moi, évidemment. Et il arrive que je m'arrête à Vienne quand je prends le train pour aller à Prague. C'est pas très loin, il y a plusieurs capitales. Bratislava non plus, c'est pas très loin. Non, Bratislava c'est pas loin du tout. Et donc, Budapest, pas trop non plus. Budapest c'est plus loin. Un peu plus loin. Okay. Bon, Bratislava, Prague et Vienne, ça va, c'est à côté. Voilà, c'est ça. Donc en général on passe par Vienne. Et il m'est arrivé une fois en prenant le train d'être confortablement installé. L'arrêt se passe à Vienne comme d'habitude. Et je regarde par la fenêtre en attendant que le train redémarre. Et je vois une personne traîner ma valise. Je me rends compte que cette personne n'est pas moi, évidemment. Mais elle était où, la personne? Dehors, elle était en dehors du train. Sur le quai. Sur le quai, en train de traîner ma valise. Et je reconnais ma valise parce que j'avais des petites peluches dessus en porte-clés, évidemment. D'accord. Tu t'es dit, ouais, quand même, là, c'est un petit peu abusé. À la limite, la même couleur, mais les porte-clés. On dirait quand même beaucoup ma valise. Réflexe, on sort, parce qu'il y a quand même des choses important dans une valise, notamment pas seulement des vêtements, mais ma peluche. Il y a une peluche dans une valise avec des peluches autour. Voilà. Mais donc tu faisais du trafic de peluches entre Prague et Vienne, c'est ça l'histoire. C'était ma peluche de bébé, c'est ma peluche préférée. Il y avait de la drogue dedans. Je peux pas vivre sans peluche. Ah ouais, pas con. Et du coup, je vois ma valise partir et ma première pensée, c'est pas genre qu'il y a un ordinateur dedans ou qu'il y a tous mes chargeurs, qu'il y a même tous les trucs nécessaires à l'électronique. Oui. C'était juste qu'il y avait ma peluche dedans. Prise de panique. J'étais prise de panique parce que, en plus, c'est un cheval, c'est une peluche cheval, tu vois. Ça s'appelle comment? Patch. Patch. Patch. Alors là, oh Patch, qu'est-ce que tu fais, Patch? Et donc, j'ai paniqué, je suis sortie du train et j'ai couru le plus vite possible vers. Mais t'avais pas peur de louper ton train comme ça? Tu sortais du train sans prévenir personne? Je me disais que ça faisait un moment qu'il était là, il disait qu'il y aurait du retard, mais c'est pas très grave. T'avais pas négocié pour. Enfin, t'avais pas prévenu les contrôleurs? Je cherchais d'abord quelqu'un pour dire bonjour, ma valise a. S'est fait emporter, est-ce que vous pouvez m'aider? Ouais. Et donc le contrôleur. En tchèque, ça se dit comment? C'était pas en tchèque, c'était à Vienne. Ah. C'était en allemand, j'avais pas le vocabulaire allemand. C'est ça qui est drôle en fait. Et en tchèque, on le dit comment? En tchèque, Dobrý den, ztratila jsem moje zavazadlo a potřebuju pomoc. T'as dit là, moi, d'un seul coup, je l'aide. Là, je cherche la patch. Patch! Mais voilà, du coup, j'ai dû me débrouiller en allemand, sachant que mon allemand était pas génial à l'époque. Donc il a fallu que je trouve un mec, j'ai commencé à lui parler anglais, il m'a fait signe comme quoi bonjour je ne comprends pas. Du coup j'étais en mode Hilfe, mine bag, j'essayais de mélanger de l'anglais et de l'allemand. Et au final il m'a juste regardé et il m'a fait 10, et 10 ça veut dire 10 en allemand. Donc en gros j'avais 10 minutes pour retrouver ma valise qui a été volée. C'est un jeu, vous avez 10 minutes pour retrouver dans votre valise, dans une gare totalement blindée. Et du coup j'étais un peu en panique, j'avais quand même pris toutes mes affaires en me disant au cas où. Voilà, et j'ai commencé à courir sur le quai, à essayer de trouver des policiers et tout, et ils m'ont aidé à chercher la valise. Tu étais toute seule, c'était J'étais toute seule, mais tout le reste de ma famille m'attendait à Prague. Bon, et donc, en plus, j'étais toute seule, donc c'était merveilleux, j'étais en panique totale. Mais pourquoi tu le suivais pas du regard? Bah, je l'ai suivi du regard quand il partait, tu vois, mais en fait, je l'ai vu partir, et le temps de me rendre compte en mode, c'est ma valise. Et de sortir du train, je l'avais perdu du regard, il y avait la masse de gens qui faisaient le changement Vienne pour aller à Prague. Oh, l'horreur. Et j'étais en panique, et donc au final, il y a un mec qui reçoit un appel en Tokiwoki, on a retrouvé la valise, etc. Donc la valise avait été complètement déchirée. Ah oui, d'accord. Parce que évidemment, j'avais mis un cadenas dessus, donc il l'avait déchiré avec un canif pour enlever des trucs. Il y avait ma peluche, donc je m'en fous de ce qui a disparu. C'était un peu la question, on était tous en attente, ça marche. Ma peluche était là, Patch était en vie. Merveilleux. Ils ont même pas pris mon ordi parce qu'il était vraiment en dessous des vêtements. Donc ils ont pris mes chargeurs et tout, mais mon ordi était safe. Donc j'étais en mode nice, on a et la peluche et l'ordi. Quand j'ai vu l'ordi, j'étais en mode ah oui, c'est vrai, bon, c'est bien, c'est bien. Mais par contre, du coup, j'avais une valise qui était En lambeaux, complètement déchiquetés, avec un canif. Donc j'étais en train de courir sur le quai, avec une valise qui laissait tomber des vêtements derrière. J'ai dû laisser genre des culottes et des t-shirts sur le quai. Et là j'entends bip, et les portes du train se ferment, et il part. D'accord. Et donc j'essaie de courir et d'intercepter un contrôleur en mode, je sais pas, essayer d'arrêter le train. Arrêtez le train, pas de chez là, pas de chez là. On a retrouvé Patch. Et au final, je me suis retrouvée sur le quai à Vienne. Ah oui, oui, pardon, j'avais oublié cette anecdote-là. C'est que pendant que je courais et pendant que, au bout d'un moment, j'ai arrêté de courir et je suis restée avec ma valise complètement en dépression face au train qui était en train de partir. Et il y a un enfant, effectivement, qui devait avoir genre 10 ans, qui m'a juste fait coucou par la fenêtre. Il m'a vu. Allez, il m'a... salut. Il m'a fait, le sourire le plus mignon qu'un enfant de 10 ans peut faire. Et il m'a juste fait coucou comme ça. Et est-ce que tu pleurais là? T'avais la larme? J'avais les larmes aux yeux parce que mon train était parti et j'étais dans un pays où je parlais pas la langue et j'avais une valise en lambeaux et je savais juste pas quoi faire. En plus, j'essayais de parler au contrôleur qui comprenait pas trop ce que je voulais. Il m'a envoyé à 15 endroits différents juste pour pouvoir changer mon billet. J'ai dû repayer un billet en plus. Ah, punaise. Ça a coûté que... combien? Oh, je sais plus, ça fait un moment quand même. Je devais avoir quoi? Je devais avoir 17 ans. Donc, oh là, c'était où? Ça remonte. Ah oui, ça remonte, ça fait longtemps. Je dirais pas combien de temps, mais ça fait longtemps. Et t'as quel âge là? Alors, le sujet qui fâche. Mathilde, est-ce que t'as un commentaire là-dessus? Non, mais on dira pas notre âge ce soir. Les femmes n'ont pas le droit de dire notre âge. Voilà. Ni notre poids. Voilà. Mais bon, 24-22 ans. Merci Mathias. Et voilà, je suis restée sur le quai et j'avais un train, je crois, 4 heures plus tard. Et après, maman, j'ai raté l'avion. Maman, j'ai raté le train. J'ai pas raté le train intentionnellement en plus. Et pour qu'on m'ait volé juste quelques vêtements et quelques chargeurs, ça valait pas le coup. C'est sûr. Autant prendre une autre valise. Genre. Mmh. C'est pas intelligent. Tu vois une valise avec plein de peluches, tu te dis c'est une valise genre un peu d'enfant, tu vois. Prends une valise qui a l'air plutôt sérieuse. Avec des trucs un petit peu sérieuse. Franchement, la mienne, elle était rose, pâle, avec des porte-clés peluches. Elle était petite en plus. Et j'avais un petit dessin de coccinelle dessus. Donc tout ça pour dire que quand tu vois une valise comme ça, tu te dis c'est une valise d'enfant, il y a rien dedans. Je comprends pas la logique. Pas. Peut-être qu'elle était petite, facile à transporter. Je sais pas. Mais c'est pas très intelligent. Peut-être que ça ressemblait à une valise de gens qui transportent de la drogue psychédélique. Ouais, dans des nounours. Bah ouais. Dans des patchs. Bah, en fait, peut-être qu'il a repéré le côté nounours et qu'il a dû se dire que dedans il y avait des petits. La big deal là. Bah ouais. Mais voilà, c'était mon anecdote que tu peux à tout prix que je raconte. Oui, parce que moi, j'étais mort de rire. Quoi. Génial. Et ben, vraiment tué de rire. Mais tu m'avais raconté plein d'anecdotes ce jour-là, puis on les gardera pour une autre fois. Ouais, parce que de... toi et les transports, c'est un petit peu ta spécialité, on va dire. Ouais. Si, c'est ta spécialité, les transports. C'est vrai. Bon, allez, on fait une petite pause avec une musique coréenne que je suis tombé dessus, mais totalement au hasard. Oh, dis-moi cette qui. C'est de Icon. Tu verras. Everywhere. Yeah. 영화 sur chewing gum vers me gumman bova in my dream money bad jean she man the day bad jean she nelly nelly now we're in japan Bling bling de Icon. Bling bling. Bon. Bling bling. Salut Martin. Salut. Est-ce que tu es content d'avoir pu te libérer aujourd'hui? Ouais, quand même. C'est ouais. vrai. Ouais. En tout cas, moi, je suis content que t'aies pu te libérer. Parce que on était, est-ce que Martin va pouvoir venir? Est-ce qu'il va pas pouvoir venir? Puis après, il m'envoie un message. En fait, il y a 16 Agorae, il y en a pas une dizaine. Ouais, j'ai un petit peu écouté quand même avant de venir, pour histoire de t'échauffer, quoi. Ouais, c'est ça. Tu fais bientôt, j'arrive et tout, et puis t'es arrivé. Voilà. Bon, bah, tu présenteras ton association, l'association, ouais. Juste après, mais pour l'instant, moi, j'ai juste envie de vous parler rapidement. De quelques expositions que j'ai pu voir. Je sais pas si vous en avez vu récemment. Et je suis allé à l'exposition Pasteur au Palais de la Découverte. Je sais pas combien de temps. Je pense qu'elle est là un mois et elle va sûrement finir au mois de décembre. C'était vraiment très intéressant. C'est sur la vie de Pasteur et sur ses découvertes. Oui, ça va finir mi-décembre. Vers fin décembre, je sais pas. Regardez vous-même au Palais de la Découverte, Pasteur. Ce qui est bien, c'est qu'en tant qu'étudiant en semaine, en dehors des vacances, c'est 3€ l'entrée pour tout le Palais de la Découverte. Ouais. Et l'exposition était vraiment... Elle était pas mal, mais j'ai préféré quand même le palais dans son ensemble que l'exposition. Et il y a différentes parties sur les travaux de Pasteur, qui était vraiment un grand homme, qui a vraiment découvert plein de choses. C'était vraiment super. Après, j'ai découvert une... Alors, celle-ci, elle est gratuite. C'est les culottés. Ouais. Alors, les culottés, c'est une... C'est une bande dessinée qui est écrite par... Alors, bon, je vais vous déparler de ça, j'ai le temps que je retrouve. Alors, les culottés, c'est une bande dessinée qui met en avant des femmes qui n'ont pas été mises en avant alors qu'elles ont fait de grandes découvertes ou... Ouais. Qui ont eu un grand impact, on va dire, dans l'histoire. Mais qui ont juste été un peu mis en arrière. Alors, je pourrais pas citer des noms comme ça, mais c'est vraiment super passionnant. C'est vraiment très intéressant. Et il y a donc l'auteur qui s'appelle. Elle s'appelle Pénélope Bagieux. Et en ce moment, à Montmartre, elle est là pour présenter ses personnages, pour pouvoir présenter aussi son œuvre. Elle a écrit plusieurs tomes, il me semble. Donc, Les culottés, Pénélope Bagieux. Voilà. Ouais. Et c'est gratuit, donc n'hésitez pas à y aller. Okay. Et pendant qu'on est à Montmartre, pourquoi ne pas profiter de l'exposition Décors de cinéma? Ouais. Où? C'est au musée Montmartre. Ok. Là, c'est assez cher, c'est un peu plus d'une dizaine d'euros. Alors là, je vous en ai dit des gratuites à 3€, mais bon, à mon avis, elle doit être super. Ouais. C'est pouvoir mettre en avant Montmartre et tous les films qui ont été tournés là-bas. Et il y a une reproduction de la chambre d'Amélie Poulain. Si je me trompe, je suis pas encore allé, mais ouais. Je vais peut-être aller faire un tour. Ouais. Voilà. Okay. Vous avez fait récemment des expos? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Non, pas de mon côté, non. Mais tu n'as pas trop le temps, là. Non, j'ai pas trop le temps, et puis c'est pas. En fait, je m'y intéresse pas assez. J'aimerais beaucoup m'y intéresser, mais comme j'ai pas le temps, je m'y intéresse pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'expos qui m'intéressent. Enfin, en tout cas, le sujet, mais prendre le temps peut-être. C'est ça, ouais, j'ai vraiment pas le temps de le faire en fait. C'est malheureusement pour moi. Oui, mais. Bon, salut Mathilde. Et toi Raouf? Non. Je voulais aller à une exposition qui est. Je sais pas si vous connaissez le Made in France. Non. Bah, le principe. Made in France. En gros, genre, c'est pour faire simple. C'est justement Tiffany qui m'a inscrit dedans. Oui. En fait, c'était il y a moins d'un mois. Comment? Je t'ai inscrit dedans. Ouais. J'étais même pas au courant que je t'avais inscrit dedans. Ah ouais? Ça s'embrouille. On s'embrouille. Je m'avais inscrit dedans, wesh. La mif. Ah, ok, c'est putain. Pas de langage vulgaire, s'il te plaît, à la radio. J'ai rien dit. Si, si. T'as entendu quelque chose? Alors, le Made in France, qu'est-ce que c'est? Enfin, alors, c'est le principe de consommer. Le principe, c'est. Ouais, voilà, c'est de. Les produits qui sont faits en France. Ouais. Tout ce qui est main-d'œuvre française, en fait. Pour remettre en avant, justement, la qualité française. Mm-hmm. Et dedans, il y a vraiment. Enfin, j'aurais pu si. Enfin, j'avais pu. Enfin, j'aurais pu si j'y avais été. Mm-hmm. Faire des rencontres vraiment inoubliables, entre guillemets. Pourquoi? Parce que. Enfin, inoubliables, oui, et surtout très intéressantes. Pourquoi? Parce que quand on entend le Made in France, on pense aussi à ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire tout ce qui est agronomie et tout. Et c'était justement ce qui ne manquait pas là-bas. C'est-à-dire qu'il y avait. Beaucoup de personnes qui sont dans l'agronomie, telles que ingénieurs et tout. Mmh. Et en fait, c'est vraiment un truc qui est très diversifié entre deux stands. C'est-à-dire qu'un stand peut très bien te parler de, je sais pas moi, de l'industrie française. Mmh. L'autre, juste à côté, peut juste te parler de l'agriculture française. Tu vois, genre, ça peut vraiment être même des choses qui sont en contraste. C'était où cette exposition? C'était un salon. C'était un salon, ouais. C'était vraiment. C'était sur un week-end, je pense, si je ne m'abuse, c'était fin novembre, normalement. Payant? Non, c'était gratuit. Il fallait s'y inscrire. Comment? C'était la première édition? Non, je pensais que ça. J'en avais déjà entendu parler, je pense, avant. Mais je ne pense pas que c'était la première. Et c'était juste un truc dans lequel il fallait un peu se renseigner. C'était pas... Il n'y avait pas beaucoup de promotions faites dessus. D'accord. Mais je pense, je n'en suis pas sûr. Je l'avais déjà entendu parler il y a un an. Dans les infos. D'accord. Donc bah c'est possible. Voilà. Après, il y a des forcément, il y a, ça existe des petits événements, mais peut-être encore plus local que Made in France. C'est régulier, mais on peut s'informer près de chez soi. Il y a forcément quelque chose. Bon, je vais juste vous faire. Après, excuse-moi, oui, je suis vraiment désolé. Juste pour finir, pour ceux qui sont intéressés de la MIF Made in France, c'est vous avez juste à aller sur internet, vous écrivez MIF ou Made in France comme vous voulez. Et c'est le premier site mif.fr que vous trouverez. Vous cliquez dessus et vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. C'est tout pour moi. Ok. Bon, aujourd'hui on n'a pas beaucoup d'éditeurs, alors je compte sur vous, ceux qui nous écoutent, pour pouvoir partager, envoyer un SMS à une personne, une ou deux personnes, ils se sentiront ciblés avec le lien. S'ils s'ennuient, voilà, on est là pour partager, pour vous faire écouter des choses. Et en parlant de choses, je vais vous présenter... une personne qui sera bientôt là sur la radio avec nous. Elle s'appelle Paul Rémy, elle fait partie de Radio Campus. Ouais. Et je vais vous montrer le pilote qu'on a fait récemment. On a fait dans la semaine, voilà. Et c'était vraiment super enregistré. Et c'est pour vous présenter un concept qui va bientôt arriver, donc ouais. À la rentrée. Qui va arriver à la rentrée. Et voilà, c'est assez amusant, mais c'est brut. Hein, comme, c'est pas du tout exploité comme... Ouais. C'est un truc qu'on a fait sur. En fait, Rémi, quand il nous a. Enfin, Paul Rémy, quand il nous a parlé de ce qu'il pouvait faire sur. Enfin, on va vous montrer ce qu'il pouvait faire. Ben, on voulait essayer un truc avec. Donc, on a essayé de l'exploiter. C'était pas plus que jeudi. C'était ce jeudi-là. Et donc, voilà, Mathias va vous montrer justement un extrait de ce qu'on. Enfin, ce que Paul Rémy et nous avons fait. Parce que c'était surtout lui. C'est surtout Paul Rémy, mais c'est assez brut, hein, c'est pas du tout travaillé, mais bon, c'est marrant, ça fait, vous verrez un peu l'envers du décor. Voilà, bon, on se retrouve juste après ça, à tout de suite. Et c'est parti pour le registre. Ça fait le truc de Warrior, tu vois, ça fait un truc épique, tu sais. Un truc de Warrior, oh putain, j'ai un truc stylé là. Mais je sais pas si ça peut vraiment faire genre. Ça le fait, ça le fait, t'inquiète. Spirit ou dans Madagascar, je sais plus. Non, c'est. Si, c'est Spirit quand il court là, les talons. Ah oui. Moi aussi dans plein de films, je crois. Dans partout. Ouais, c'est dans partout. Tu sais, le truc qui serait kiffant pour une émission de radio, c'est genre il fait un air et genre celui qui trouve le plus rapidement il gagne, tu sais. Ah ouais, c'est pas un mal. Blind test, quoi. Ouais. Ouais, une sorte de blind test. Ok, si vous voulez faire ça. Si vous voulez... non, mais... Ok, si vous voulez faire ça, je vous préviens, vous l'aurez demandé. Hein. Alors. C'est filmé ? Non. Non, pas là. Attention, là maintenant, oui, et là, puis maintenant. Et là, re-maintenant, oui. Puis maintenant. Ouais, quand c'est en rouge, c'est pas filmé. Quand c'est en vert, c'est filmé. I heard you on the wall is back in 52. Bah oui. Playing a waking tune tattoo, leaning on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Ow, ow, ow, ow. There to the credit for your second symphony. Pardon, j'ai raté. Je recommence. I heard you on the wall is back in 52. Wow, c'était, ça, c'était bien. C'est impressionnant. La mission des bonhommes pour les gens virils les uns les autres. Un comme peu moins. Comme Sylvester Stallone. Et plein d'autres. Ah non, en vrai, archi stylé. Hein. Ça, mec, ouais, tu imites trop de voix en vrai. Quoi? Tu imites trop de voix. Attends, je peux essayer de te faire Christophe. Mais tu sais, genre, il peut. Attention, Christophe Maé sur Radio Campus Sorcier. Attends. Fais. Non, c'est. Bonjour Christophe. Attends, c'est que pour chanter, c'est déjà un peu. Pelle-toi-moi ça. Qui se pose dans l'allée, ça les marche ou dans le tissu. Et j'ose pas m'emballer. Et si jamais je m'approche d'elle. Rapproche-toi un petit peu du micro. Ça m'en ding ding ding ding. Ça m'en fout, dis-moi où je vais avec toi. Ding ding ding. Je suis aidant. On change d'artiste. On change d'artiste. Plus tous ceux qui le veulent, je suis plus seul. Plus tous ceux qui sont seuls. Allez, allez, et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est toujours le chant. Allez, attends, je vais juste faire une pause, comme ça je vais vérifier la qualité de l'enregistrement parce qu'on fait des trucs drôles là, du coup ce serait de. C'est vraiment un Nexus Speed. Et c'est parti, on enregistre. Ça fait le truc de Warrior, tu vois, ça fait un truc épique, tu sais. Ah, un truc de Warrior ? Ah, putain, j'ai un truc stylé, là. Alors voilà, on se retrouve après la petite impro de Paul Rémy, et on espère le voir bientôt à la radio, sûrement à la rentrée. On va faire une chronique où Paul Rémy va nous parler de musique, faire des musiques. Ça va être assez drôle. Ouais. Bon, vous êtes toujours là. Ça vous a pas fait rire, par contre. Pas du tout, Les gens, ils sont partis. Les gens, ils sont partis. C'était tellement pas drôle, ils sont partis. Ils se sont dit... C'est nul. Bon. On a la chance d'avoir Martin aujourd'hui. Ça va, Martin ? Ouais. Ça va, ça va, t'es pas trop de pression, non? Si, totalement, parce que c'est quelque chose que je ne fais pas. Je sais que je stresse quand je passe à une, enfin quand je fais ce genre de truc en live. Ça te stresse, mais t'inquiète énormément. Pas, détends-toi. Bon, pour l'instant, je trouve que je m'en sors bien. J'ai commencé, ça commence. Parce que tu m'en parles que... Tout à fait. Bon, on te présente toi, peut-être toi en premier. Si tu étais un animal, tu serais quoi? Un koala. Un koala, pourquoi? Ou un paresseux. D'accord. Ah ouais, ça me définit bien. Ça te définit bien, un koala ou un paresseux? Ouais. Ah bon. Je trouve aussi. Ouais. Toujours l'expertise et contre-expertise d'Alex. Exactement. Heureusement. D'accord. Et tu fais quoi dans la vie? Dans la vie, alors, je travaille dans la restauration rapide. Ok. Ouais. Pour... C'est ça. Donc, c'est vachement classe. C'est vachement classe. Et quelle est ton association? Alors. Mon association, c'est pas vraiment une association, c'est quelque chose qui est porté au niveau local par la Fédération des associations étudiantes de Paris Sud, donc la FAPS, et qui est porté au niveau national par la FAGE, donc la Fédération des associations générales étudiantes, dont la FAPS est fédératrice. Donc c'est la FAPS, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'équivalent du syndicat étudiant sur l'université Paris Sud. Donc ce projet s'appelle l'Agorae, donc il y en a 16 en France, dont la dernière a été inaugurée mercredi dernier, oui. Strasbourg. À Strasbourg. Toi tu connais bien ça, Mathias. Moi je connais bien Strasbourg. Donc c'est la deuxième... Mais Strasbourg me connaît encore mieux. Donc en fait c'est la deuxième Agorae qui est ouverte à Strasbourg. Là-bas ils ont besoin de beaucoup de monde. Nous aussi en fait à Paris Sud on aurait besoin de beaucoup plus, mais malheureusement on n'a pas les moyens... matériel ni humain pour le faire, malheureusement. Mais en quoi ça consiste? En quoi consiste l'Agorae? L'Agorae. Alors, là pour l'Agorae, je suis la seule exception à la règle, c'est l'épicerie sociale étudiante. L'épicerie sociale pour les étudiants, par les étudiants. D'accord. Donc, en gros, c'est des étudiants qui sont bénévoles de cette association. On a deux services civiques. Normalement, bon, cette année, c'est un petit peu la galère pour en trouver. Mais globalement, c'est des bénévoles qui viennent ouvrir l'Agorae pour les étudiants en difficulté financière. Donc, ça veut dire que sur des... Ça, c'est notre action principale. C'est pas notre seule action, mais c'est celle qui nous prend, on va dire, 90% de notre temps. Okay. Donc, en gros, globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on... Avec des partenaires qui nous donnent leurs invendus ou la banque alimentaire, je sais pas si pour ceux qui connaissent, on récupère des denrées et on les vend entre 75 et 90% moins cher que ce qu'il y a sur le marché. Donc on veut pas faire de donner des denrées alimentaires, parce que il y a deux raisons pour ça. Pour l'une, parce que on ne veut pas que les étudiants considèrent que on leur donne des choses, et on préfère que contrepartie, voilà. Oui, parce que la nourriture serait peut-être pas respectée de la même manière si elle était tout simplement donnée, ou... C'est surtout psychologique, en fait. Même des étudiants refusent qu'on leur donne de la nourriture. D'accord. C'est-à-dire qu'on a, l'année dernière, on a eu un cas d'urgence où on donnait de la nourriture. Cette personne a refusé qu'on lui donne la nourriture. D'accord. Okay. Et qui a voulu absolument donner quelque chose. Il donnait 5 centimes, 10 centimes, il avait ce qu'il avait dans la poche, mais il refusait. Et après... La deuxième idée pour laquelle on ne fait pas totalement gratuit aussi, c'est cet argent qui nous permet de tourner. C'est le seul financement qu'on a. D'accord. À part si on a un gros projet où on peut faire un FSDE. Donc ça, c'est les autres choses qu'on fait à côté, j'en parlerai juste après. C'est l'Agorae en elle-même fonctionne qu'avec l'argent que... De l'épicerie sociale, de la vente de nourriture. Donc en gros, globalement, c'est ça l'idée. Ensuite, pour être un peu plus dans les détails, donc en fait, l'épicerie sociale et solidaire, elle n'est accessible que sur dossier. Sur critères sociaux. Voilà. On travaille en lien avec l'assistante sociale, qui, elle, nous envoie beaucoup d'étudiants. D'accord. Et en fait, ce dossier dure maximum 5 mois, renouvelable indéfiniment. Donc, c'est-à-dire que si vous restez 5 ans sur l'université Paris Sud, vous pouvez avoir, si vous rentrez pendant 5 ans, si les... Les, Ça y est, j'ai perdu mes mots. Respire. Ouais, ouais. Ouais, je stresse. Cool, mec. Si les critères changent. Les critères changent. Enfin, c'est pas les critères changent, c'est si sa situation financière change. Ça améliore ou... Pardon ? Changer tout court ou bien juste dans le sens de l'amélioration ? Alors, en fait, il y a toujours des changements d'un dossier à l'autre parce que on a réussi à faire des économies par-ci par-là. Enfin, il y a toujours des choses comme ça. Mais globalement, en fait, quand on prépare un dossier, il faut que le reste à vivre journalier, je vous en parlerai après, est compris entre 1,35€ et 7,50€. En dessous d'1,35€, on n'envoie pas. On envoie directement le dossier aux assistantes sociales qui, elles, ont d'autres possibilités à proposer à l'étudiant. Et au-dessus de 7,50€, on refuse parce qu'on considère qu'ils peuvent avoir 2 à 3 repas au Crous. D'accord. Oui. Au Resto U. Ok. Et sur le Paris Sud, est-ce que tu as un ordre de grandeur un peu de... Alors, en général, par année, on tourne par an, on a entre 100-130 bénéficiaires. D'accord. Et c'est des boursiers ou bien... Ça peut être comme boursiers, comme ceux qui sont de... Je sais pas si vous savez qui est Erasmus. Qui est sur la fac, ça peut même être eux qui viennent à la Grèce. Il y a beaucoup d'étrangers. Il y a. Oui, parce qu'ils n'ont pas les bourses françaises. Ouais, en fait. Il y en a moins, en tout cas. Il n'y a pas le. Ouais, on a énormément d'Algériens parce que là-bas, quand ils viennent en France, ils n'ont aucune bourse là-bas. De leur D'accord. pays, ils n'ont aucune bourse. Donc c'est assez compliqué. Ouais. Il y a beaucoup de Marocains qui viennent. Ouais, c'est ça. Algériens, pardon. D'Algériens qui viennent faire des études en France, hein, partout en France. Surtout à Paris Sud, on a énormément d'étrangers, on a énormément de personnes originaires du continent asiatique, d'Algérie, Nord, de Maroc. D'Afrique centrale aussi. Ouais, c'est ça. Mais sans les aides, ça devient tout de suite. C'est ça. Compliqué. Surtout qu'ici, on va pas se mentir, ça coûte très cher la vie. Ouais. On regarde les logements, parce que les étrangers notamment n'ont pas le droit. Au logement Crous quand ils viennent d'arriver en France. Et ils peuvent pas les récupérer après s'il y a s'il reste un certain nombre. Non, c'est uniquement au bout d'un certain temps, je sais plus exactement si c'est au cours de l'année, au bout de quelques temps, il me semble. Ouais, je sais plus si c'est un an ou c'est quelques mois. J'ai un doute là-dessus. Mais sinon ils ont pas le droit au logement étudiant, Okay. Malheureusement. Donc du coup, ils sont obligés d'aller chez le particulier, et le particulier, c'est tout de suite 300 ou 400 euros dans le coin. Ouais. Ouais. Et alors, pour l'épicerie sociale ou solidaire ? Solidaire, non ? L'épicerie sociale et solidaire. Sociale et solidaire, bon, bah, voilà. Voilà. Elle est ouverte combien de fois par semaine ? Alors, normalement, quand on a nos services civiques, elle est ouverte du lundi au samedi. D'accord. Donc généralement, elle est ouverte l'année dernière, c'était de 11h à 19h. Du lundi au vendredi, de 10h à 14h, si je ne me dis pas de bêtises, le samedi. Bon, on rappelle ce que vous êtes en ce moment, en train d'essayer de chercher des services civiques. C'est ça. Et des bénévoles, de manière générale, on est toujours preneur. D'accord. Okay. Voilà. Donc en gros, on a 2 postes de services civiques à pourvoir. Sur 9 mois Sur 9 mois, c'est ça. Et comment on fait pour vous contacter si on est intéressé ? Alors, si on a envie d'être bénévole ? Alors bénévole, il y a la page Facebook, il y a notre adresse mail, alors je vais la donner vite fait, c'est agorae, donc tout en minuscule, sans accent, A-G-O-R-A-E, @la-faps.fr. D'accord. Mais bénévole, ce serait quel type de mission du coup ? Alors bénévole, ça dépend de la personne, c'est-à-dire que si elle a envie de s'impliquer, elle s'implique, si elle a envie de juste venir de temps en temps, filer un petit coup de main, 2-3 heures par semaine, et encore moins même... Voilà, c'est vraiment, ça dépend du bénévole. Ça dépend serait genre administratif ou ça serait vraiment pour... C'est ce qu'elle souhaite. Ah d'accord. Voilà, il y a quelques parties administratives qui sont réservées à tout ce qui est l'équipe, ce qu'on appelle l'équipe entre guillemets dirigeante de l'Agorée, donc les responsables, et les services civiques qui sont réservés parce qu'on a les dossiers en fait des bénéficiaires de l'Agorée, c'est confidentiel. Ouais, voilà. C'est quelque chose que c'est important, ça fait partie de la charte des Agorées en France. Et les Agorae, il y en a un peu dans quelle ville ? C'est lyonnais à la base le... Alors, il me semble, oui, c'est ça, c'est par la fédération Gaelis à Lyon, effectivement, que la première Agorae a. C'est à quel âge, à peu près ? Alors, les agorées en France, j'ai un doute. Il me semble que c'est 7 ou 8 ans, si je ne dis pas de bêtises. L'agorée Paris-Sud, donc notre agorée, elle a 5 ans cette année. Donc, on va faire une petite fête, normalement, dans l'année. Super. Et imaginons qu'on... Justement, qu'on a envie de postuler pour recevoir des aides. Alors, il y a un... Tout expliquer sur. Enfin, faut pas hésiter à venir poser des questions pendant les horaires d'ouverture de l'Agora. Donc, les horaires d'ouverture sont disponibles quand on fait une recherche sur Google ou sur notre page Facebook. Agora et Paris Sud. Il y a une page Facebook, non ? Il y a une page Facebook, Google, sur notre site internet. Il n'y a pas de souci, tout est disponible. Après. Le dossier d'attribution est disponible. Sur le site internet également. D'accord. Donc voilà, mais c'est un peu barbare, il ne faut pas hésiter à venir et poser des questions pour savoir comment le remplir. D'accord. Et la procédure, elle dure combien de temps ? Alors ça dépend parce qu'en fait, les commissions, elles ne sont pas régulières. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre de dossiers ou d'un certain temps où on a des dossiers en attente, on va contacter les assistantes sociales avec qui on travaille énormément ensemble, du CROUS. On fait une commission et à ce moment-là, on valide ou pas les dossiers suivant le cas. D'accord. On va faire une petite pause musicale et ensuite tu vas nous présenter le reste des actions. Ok, bon. Y a pas de souci. Allez, à tout de suite. Some of them want to get used by you. Waouh, Street Dreams, un petit peu à l'ancienne et tout. Ça vous a plu? Alex, elle dansait dans le studio, là, on n'en pouvait plus. Elle chantait dans le micro, c'était insupportable. Bah, fallait l'attacher, hein. T'as pas du scotch pour la baïonner? Si, il y a du gros scotch pour scotcher les fils et tout, mais... Non, c'est pas une menace. Non, en vrai, c'était super d'avoir dansé. Merci, Alex. Merci. Bon, c'est pas très radiophonique de danser. C'est vrai qu'on a connu. Surtout avec le micro coupé, on voit encore moins danser. Du coup, vous avez loupé le chant. Hein, voilà. Vous avez rien raté. Mais je peux faire un live si tu veux. Hein, wow. Ouh là. Oui. Ça devient très tentant ça. J'attends le synthé et je fais du Christophe Maé sans aucun problème. Ah, faut attendre Paul Rémy. Ah oh, non. À la rentrée. Bon, on se retrouve avec Martin. Tu vas nous présenter un peu tout ce qui tourne autour de. Bah, à part l'épicerie sociale et solidaire, évidemment, il y a plein d'autres actions qui sont organisées par l'Agora de Paris Sud et des autres axes d'Agora. Ouais, alors en fait, ce qu'on reproche aujourd'hui. Je fais un peu une aparté pour expliquer pourquoi on fait tout ça. Ce qu'on reproche aujourd'hui aux épiceries sociales, c'est que c'est très centré sur les problèmes financiers des gens et tout ça. Nous, c'est pas du tout ce qui nous intéresse. On a beaucoup de médias qui viennent nous voir, nous parlant de la précarité étudiante, mais c'est pas du tout ce qui nous intéresse. Nous, on est là pour venir en aide aux étudiants. Mais c'est la seule chose qui est sur critère, en fait. Après, on fait beaucoup de choses. On faisait, parce que cette année, c'est un petit peu compliqué, sans les services civiques. Oui, on fait toujours encore l'appel aux services civiques. Voilà, ou les bénévoles, hein, s'il y en a qui sont intéressés. Toujours preneurs. Et en fait, régulièrement, on essaye de faire ce qu'on appelle une friperie, une vente à prix libre de vêtements qu'on nous donne pour des étudiants qui sont intéressés, qui soient bénéficiaires ou pas de l'Agorae. C'est comme je disais, là, c'est vraiment ce que je vais te dire, c'est des événements qui sont vraiment fermés à personne. Par exemple, il y a 2 ans, on avait fait. On avait essayé parce qu'il y a eu la crue à ce moment-là. Là, ça a dû être annulé. On voulait faire un festival pour fêter la fin de l'année avec des trucs un peu sympa. Il y avait un vélo smoothie par exemple. C'est quoi un vélo smoothie? Un vélo smoothie, ouais, c'est un vélo qui est attaché à l'arrière d'un. Enfin. C'est un smoothie fait à partir de vélo. C'est simple, voyons. En gros, c'est un mixeur qu'on démonte et qu'on attache à l'arrière d'un vélo. Et il faut pédaler pour faire couper les lames. On pédale pour faire couper les lames et on disait aux gens, venez apporter vos fruits qui sont dans un état qui sont pas forcément très beaux. Voilà, une soupe participative, même principe, chacun amène son truc. Voilà, c'était ça le principe. En gros, c'était de mener la bonne ambiance. Il y avait un peu de son, mais il y a une petite scène sympatoche. Mais bon, bref, l'événement a été annulé parce qu'il y avait une crue il y a 2 ans. Malheureusement. Bon, ça s'est fini quand même. On a fait quand même quelque chose un peu plus light. Mais il y avait une soirée sympa quand même. Et après, tout ce qu'on fait, il y a 2 ans également, on n'a pas pu le refaire l'année dernière par manque de moyens. C'était un atelier tricot, ça apporte à rire comme ça, dit comme ça, mais ça attirait vraiment beaucoup de monde, que ce soit des hommes ou des femmes, ça attirait vraiment du monde. Il y avait une dizaine, quinzaine de personnes. De la maison de retraite d'à côté. Non, franchement, ça je le prends personnellement parce que le tricot c'est vraiment bien. Ah, okay. Ça y est. Alors, si tu veux, on se retrouve derrière pour qu'on parle de tricot. Vas-y. Non, mais y a pas de problème, attends, hein, je ramène mes aiguilles, je t'embranche. attends, grâce à ça, j'ai quand même fait mon écharpe et mon bonnet. Waouh. Waouh. Et toi, ah tu oui, vas crever toi. Elles sont belles. Hein. Tu vas crever toi. Enfin, je les ai pas avec moi aujourd'hui, mais il y en a qui sont déjà vus, ouais. Ensuite, après. Alors là, j'ai plus trop d'idées en tête parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'événement, mais globalement, ça nous arrive de faire des événements. Chaque année, normalement, on essaie de faire un repas de Noël, on invite un peu ceux qui veulent venir aussi. Cette année, malheureusement, on n'a pas pu le faire. Mais globalement, en fait, c'est les bénévoles qui viennent ou les services civiques, quand ils sont là, qui proposent des idées. Et nous, on est là pour les bénéficiaires d'ailleurs, qui proposent des idées et on essaie de voir comment ça peut être mis en place. Donc, et de là, on peut faire des événements complètement. On s'y attend pas. Est-ce que vous pouvez faire des voyages genre ouais, oui, ils organisent des voyages. Ouais. L'année dernière, on est parti. Merci d'ailleurs d'en parler. Ils sont partis une semaine au ski, ouais. Grâce à le partenariat des Agorae de France, l'ANCV, donc les chèques vacances. On peut faire des partenariats, avoir des financements pour partir en vacances effectivement. Et aussi ici, ça touche les personnes qui sont, enfin, qui n'ont pas assez de moyens pour. Ouais. C'est, alors, l'ANCV est un peu plus large que nos critères à nous, donc c'est-à-dire que ça peut même bénéficier à des personnes qui ne sont pas inscrites à l'épicerie. C'est sympa de partir avec des étudiants qu'on connaît pas forcément, c'est l'occasion de découvrir des gens. Ouais. Ah, ils sont partis, je ne sais plus à combien, mais ils devaient être une trentaine facile. Et pourquoi tu n'es pas allé avec eux? Je pouvais pas, mais je travaillais. Ah, c'est... Okay, c'est oui. Mais tu passes beaucoup de temps à l'Agorae aussi. Ouais, ouais. Tu travailles combien de temps par semaine? À l'Agorae, je dois y passer. Bon, quand on ouvre que 3 jours par semaine, je fais. Je calcule de tête vite fait. Je dois faire 15 heures par semaine, en plus de mon travail à côté. Ouais, c'est pas mal, hein. Tu donnes beaucoup de temps. Est-ce que ça t'a, grâce à l'Agorae, tu as pu avoir des contacts ou est-ce que tu as fait des rencontres importantes, ouais, alors, intéressantes? Des contacts, je peux pas dire ça parce que c'est un peu particulier, à part dans les médias qui viennent nous voir. Ouais. Mais globalement, tu fais des rencontres très intéressantes. Tu t'échanges avec des étrangers qui expliquent comment fonctionne leur système scolaire chez eux. Et c'est pas du tout un peu à quoi on peut s'attendre. Mmh. C'est très intéressant. On a vraiment... Il y a une diversité... je vais pas dire de bêtises, j'ai pas inventé un mot, mais de personnes qui viennent de tout horizon. On n'a pas beaucoup de personnes qui viennent d'Amérique, mais d'Europe, on a énormément de monde. Et d'Amérique aussi, d'Afrique. On a beaucoup de personnes qui viennent. Et puis il y a aussi l'événement où toutes les agoraïs se retrouvent. Ouais. Alors ça c'est un peu particulier parce que c'est un peu nos événements formation, mais globalement. 2-3 fois par an, on se retrouve de toutes les 16 agorées maintenant sur Paris pour échanger, parler de nos événements, ce qu'on fait. Il y en a qui font des trucs malades, ils font des festivals d'art participatif. Hein, tu peux en citer quelques-unes d'agorées en France ? Alors en France, il y en a une à Paris, mm-hmm. avec qui on travaille énormément. Il y en a une à Nanterre qui vient d'ouvrir cette année également. Ça c'est pour parler de la région d'Île-de-France. Après je sais que Strasbourg, il y a Strasbourg, Lyon forcément. Lyon, ouais, il y a Amiens, il y a Reims, que je dis pas, il y a Caen, il y a est-ce que je regarde la carte en même temps parce que je regarde pas tous par cœur. Est-ce qu'il y en a à Toulouse? À Toulouse, je suis pas sûr qu'il y en a à Toulouse. Par exemple, il y en a une, un projet à Clermont-Ferrand. D'accord. Je peux le dire. Il y en a une à Caen, je crois que j'ai déjà dit. Il y en a une à Brest. Il y en a un peu partout en France. Il y a des projets partout. Oui, c'est super intéressant. Bah, c'est pour vraiment pas que centré sur l'aide, mais c'est vraiment plutôt sur la vie étudiante. Quoi. C'est vraiment du soutien aux étudiants. Et le principe fondamental, que j'en ai pas parlé, c'est éviter que les étudiants se referment sur eux-mêmes, oui. qui puissent voir du monde en fait. Mmh. Donc on a aussi un lieu de vie où ça c'est ouvert à tout le monde, où les gens peuvent venir boire un café, passer du temps, discuter, rencontrer. Ouais. Il y a une bibliothèque où les gens peuvent prendre un bouquin. Bon, ils sont pas tous ouf, mais on a des BD aussi, on a un peu de tout. On peut faire des dons genre niveau livre. Ouais, carrément. Ouais. On peut faire des dons au niveau de livre, ouais, on est preneurs. Même vous avez des dons de manière générale, à part les objets volumineux parce qu'on peut pas les stocker, mais si vous voulez faire un don de vêtements, ouais, y a pas de souci. Où on peut vous trouver sur le campus? C'est au bâtiment 308, au premier étage. Je sais pas si vous voyez le carrefour avec les feux, c'est à cet endroit-là. Ouais. On est juste à côté. En face de Solicycle. En face de Solicycle, du garage solidaire également. Mm. Parce que récemment. Il va y avoir une inauguration, ça y est, de ce carrefour-là, parce que ça va être devenir le carrefour solidaire de l'université Paris-Sud. Oui, puisqu'il y a plusieurs... Voilà, il y a Solicycle, il y a le garage solidaire, notamment, avec nous. Mais c'est super. Et toi, tu fais partie de l'aventure depuis combien de temps? Ça fait 3 ans que je suis à l'Agorae. Ah ouais, c'est... Ça fait 3 ans, ouais. En gros, t'es plus un nouveau, t'es plus un... Ouais, non, plus vraiment. ça fait 3 ans et ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué, ça a évolué très vite. Ça s'agrandit très vite. Et ça existe depuis combien de temps environ? Cette agorée-là, elle a 5 ans cette année. Ah, ça, ok. Ouais, c'est... Et comment tu l'as connue? Alors, il faut savoir que un bénévole de l'époque, qui était mon voisin, qui est devenu responsable de l'agorée l'année d'après, avait des problèmes informatiques et je me suis ramené à les aider avec leurs problèmes et depuis je suis tombé amoureux de ce projet. Voilà. Et maintenant tu fais partie du bureau de l'association? Ou en gros global du projet, ouais. Ouais, ouais. Ça fait ouais depuis un moment, je veux dire. L'année dernière j'y étais déjà. Donc en gros globalement, après, c'est plus de l'administratif, ce bureau, en ouais. général, mais on est là pour aider à créer des projets. Si les gens sont intéressés à faire des projets, pas forcément au nom de la Corée, mais de faire un événement, qui a envie de faire un événement, quel qu'il soit, du moment que c'est faisable, on va faire en sorte qu'il soit faisable, qu'il soit fait. Oui, c'est pas très français ce que je dis. Vous serez là pour accompagner. Ouais, c'est ça, c'est ça. On est là pour aider à trouver du financement et à porter le projet. Ok, c'est super. Franchement, si parmi les auditeurs, il y a quelqu'un qui est intéressé soit pour être bénévole, soit pour aider, sachez qu'il n'y a pas que l'argent qui aide. Vous ouais. pouvez aussi faire des dons matériels tels que les ou habits. Temps. Ou ouais. du temps. Ouais, du temps. Ouais, du temps. C'est ça qu'on a plus besoin, c'est du temps. Parce que là, il faut faire le ménage, c'est chiant, mais il faut faire le ménage. C'est sûr, il faut faire les appros. Ce qu'on appelle les appros, c'est aller chercher chez nos partenaires. Mmh. Par exemple, le Simply Market de Bure, qui nous donne leurs invendus régulièrement, deux fois par semaine. Ouais, c'est super. Qu'on va aller chercher, qu'on ramène. Après, il y a la BAPIF également, la Banque Alimentaire Paris-Île-de-France. Ouais. À Arcueil, il faut y aller et il faut récupérer des denrées là-bas. Mmh. Et juste pour savoir, Simply, par exemple, ils vous font une liste, ils vous les... c'est des dons ce qu'ils vous font. C'est des dons, alors c'est réglementé par la loi, ouais, donc on a une feuille de sortie, on a une feuille de rentrée qu'on doit garder. Et, en gros, ils vous donnent les produits qu'ils vous donnent. Voilà, en fait, eux, ils ont des inventaires, comme tout supermarché, ils retirent des rayons à partir de quelques jours avant la date de péremption, ou des produits qui sont plus visuellement que les gens vont pas prendre dans un supermarché parce qu'ils sont tombés par terre, une conserve qui est tombée par terre. C'est con, hein, nous on prend, on est preneurs. Et globalement, nous on récupère et on met ça en rayon chez nous. Bon, je te remercie Martin, c'était super comme intervention. Et ça nous a... bah, merci de m'avoir accueilli en tout cas. Merci, mais on se reverra bientôt peut-être. Mais carrément, moi je suis preneur. On verra tout ça de bénévole. Mais on vous évidemment, vous sponsorisera pour faire des pubs pour vos événements, etc. On vous les partagera. On va faire une émission, voilà. On est tous bénévoles et on se filme travailler à la Gora. Ce serait génial. Une chronique. Non, très franchement, si vous voulez faire ça, on aura une banque alimentaire probablement. Ça peut être rigolo. Ça peut être vraiment drôle. C'est un petit vlog. C'est une banque alimentaire, ça dure deux jours, de vendredi et samedi. Et quand ça ? Alors je sais pas la date exacte de la prochaine, ça va être quelque chose comme en mars ou avril, quelque chose comme ça. Et là, c'est en plus le moment où on a besoin de plus de bénévoles, on tracte et on récupère les denrées. L'occasion de mettre ça en nous, avant. Ouais, c'est ouais. ça. Eh bien, on va mettre ça en... Et vous verrez le projet alors. Comme quoi, un projet peut être parti comme ça d'une émission de radio. Bon, bah, je vous remercie. Martin, à bientôt. Et... Ouais. Bon, juste après la pause, on n'a pas oublié notre invité mystère. On l'attend, il nous tease. Et on va essayer de découvrir l'invité mystère juste après cette pause. Waouh, Feel It Still, ça vous a plu? Oui. Oh oui. Moi ça m'a plu, j'aime bien cette musique. Ça met l'ambiance. C'est un petit peu. Ouais, ça met l'ambiance. C'est grave. Bon, bah salut Martin, à bientôt. Au revoir. Salut tout le monde. Toi aussi. Bon, on se retrouve. Tiffany, tu retrouves ta place. Enfin. Tu étais reclus sur le canapé. Mais oui, on n'a que 5 micros. Mais on a beaucoup de contraintes, hein. Et c'est dur de se faire écouter, mais ouais. Pour qu'on puisse nous écouter, c'est dur parce que voilà, on n'a pas beaucoup de matériel, on est dans une salle qui est dans un bâtiment qui est géré par des étudiants, il faut des autorisations pour rester jusqu'à ces heures-là. Voilà, c'est pas facile, nous on est là pour vous faire plaisir. Et donc s'il vous plaît, bombardez l'audience, on compte sur vous. On oui. Fait notre travail, faites le vote si vous voulez. Raouf met la pression là. Nous aussi, il nous faut des bénévoles. Attention, hein. Non, mais le plus important, c'est au retour des vacances. Là. C'est, ouais, voilà. On espère, nous en tout cas, on va faire tout notre possible pour que ça se lance à ce moment-là. Et à ce moment-là, on compte sur vous qui nous aidez depuis le début en nous écoutant. Voilà. À vraiment nous partager, à harceler les gens pour qu'ils écoutent Radio Campus Orsay. Harceler, hein, un réel harcèlement. Voilà. Si vous voulez, on peut vous sponsoriser avec un petit code. À tout moment. N'hésitez pas. Bon. Alors là, tout le monde se demande, mais qui est-ce donc que cet invité inconnu ? Qui est-il ? L'inconnu invité. Le mystère. Est-ce que c'est pas le moment ? On peut faire un jingle. Un jingle ? Ah oui. Un jingle inconnu ? Un jingle ? Fais nous-mêmes. Genre, l'invité mystère. Mais ouais. Qui est-ce ? Oh mon dieu ! attends, je mets juste un truc comme ça, voilà. Oh ! L'invité mystère ! L'invité mystère ! L'invité quoi ? L'invité mystère ! Ça va. Non bon, bah ça va. Très intéressant l'intervention de tout à l'heure. Là. Alors, tu valides tu ouais, me fais un résumé non. On peut te poser des questions, t'as tout écouté, ouais. De bout en bout. Oh, hein. Lui mets pas la pression. Il va avoir peur. Je sors mes notes là. Non, c'était vraiment cool. Et alors, tu viens ici ce soir pour pouvoir te présenter, pour pouvoir nous raconter. Tu viens d'où déjà ? Alors moi, je viens de Dijon. Tu viens de Dijon ? Oui. Dijon, précisément un petit village à côté, mais bon là, on rentre dans la campagne profonde. Ah, c'est quoi le nom ? J'habite à Arson. Arson, ah, oui. Voilà. Donc, tu connais pas. Voilà. Personne oui, connaît. C'est normal. Ouais, personne connaît. Voilà, non, donc je viens de Dijon, moi. Je suis à la fac de Dijon, Université de Bourgogne, en deuxième année de licence informatique. Informatique électronique, pour être précis. Et ça te plaît ? Ouais, ça va, c'est cool. Et tu fais ça dans l'optique de travailler dans un métier précis ou un domaine plus... Pour l'instant, je voudrais travailler dans les réseaux informatiques, sécurité des réseaux ou architecture réseau, mais en ce moment, en fait, j'ai pas encore vraiment fait de matière réseau. Tout ce que je sais, en gros, je sais de ce que j'ai appris de moi-même. Et on a fait beaucoup de programmation pour l'instant et je me dis que j'aime bien aussi programmer, donc peut-être que je verrai en fait. Pour l'instant, okay. Ça reste encore à voir. Voilà, bon, c'est comme ça les études. Hein. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a une musique que tu veux écouter ? Une musique que je veux écouter ? Oh, je te laisse réfléchir. Ouais, je te mets pas la pression. Moi ouais. Je te donne la pression. Une bonne musique, s'il te plaît. Si tu étais une musique, tu serais quoi ? Je serais. Rap. Sûrement The Handler de Muse. The Handler de Muse, alors. Tu es The Handler de Muse ? Non, j'en sais rien, mais c'est juste que j'aime bien cette musique. On va te juger, là. On va juger moi, j'ai rien à. C'est le mystérieux. Hein. Alors, tu fais des études sur Dijon. Oui. T'as toujours vécu à Dijon ? Oui, tout à fait. J'ai toujours vécu là-bas. Qu'est-ce que tu fais là ? Comment vous êtes-vous rencontrés, mes chers ? Ah, c'est une bonne question, ça. Ça a l'air mignon comme histoire. On s'est rencontrés en première. Très gay. Ah oui, parce que c'est moi qui ai fait venir l'invité mystère. Oui, il faut savoir que je suis l'ami de Mathias. Parce que sinon, c'est compliqué à... Tout à fait. À présenter. Exactement. Alors, je trouve pas The Handler. Je trouve Is This The End ? Non, c'est même pas de Muse. Non, plus. Mais comme tu le sens. Moi, je vais mettre une de Muse. Moi, je veux l'anecdote de rencontre, là. Ouais, alors, en fait, on à s'est rencontrés... À quel point c'était gay. Waouh! Non, on s'est rencontré. Sens. Regarde-le là! On s'est rencontré en première au lycée Gustave Eiffel de Dijon. Et moi j'étais. Donc j'ai amoureux. Donc... perdu. J'ai totalement perdu dans ma vie sentimentale. Non, donc j'étais avec un ami de seconde, on était ensemble dans sa classe, et en fait Mathias est arrivé à Eiffel en première. Et tu l'as vu dès qu'il est rentré en classe. Tu l'as remarqué. Il est rentré dans ton cœur. Croisé, tout de suite, c'était incroyable. Non, c'est on était dans la même classe donc. Donc au moins on se connaissait pas, et en fait mon ami de seconde connaissait Mathias et je lui ai volé son copain, voilà. Fin de l'histoire. C'est un peu ça en fait. Et après voilà, on traînait plus avec lui. On le snobait, mais dans snobisme, voilà. Mais monstre, voilà. Bah évidemment, les amis, les copains, c'est différent, tu vois. Voilà, tout à fait. Non, et c'est voilà. Passé beaucoup de choses. Beaucoup de choses, surtout souvent indicibles, mais, mais non, voilà. Donc de screen depuis la première. Franchement, il faudrait aller voir, ils échangent rencontre. Des regards et des petits sourires entre eux là. Audio description, merci Alex. Je les chip. Et tu fais quoi à côté des cours? Alors, informatique, mais ça c'est parce que c'est également ma passion. Mais je parle à Mathias. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrête. Qu'est-ce que tu fais à côté? C'est ta passion, tu fais aussi de l'info souvent à côté? Info, ouais. Parce que, ça va enchaîner avec ce que j'allais dire, mais évidemment. Notamment programmation web, et je réalise en ce moment le site web de mon club de Kung Fu, wow. Parce que je suis ceinture noire de Kung Fu. Ceinture noire, voilà. Wow. Premier dan. Est-ce que tu pourrais nous faire des petits mouvements d'arts martiaux, et je filme, et je mettrai ça sur le site? On verra. C'est quoi comme site de Kung Fu? Tu fais du Wing Chun ou... Alors, c'est une bonne question. En fait, le Kung Fu, c'est il y a beaucoup d'influences qui viennent de partout dans la Chine, en fait. On peut partager ça en deux grandes catégories, on va dire le style du sud et le style du nord. Donc le Wing Chun, c'est un style du sud, nous on fait plutôt du style du nord d'habitude, habituellement à mon club. J'en fais depuis 8 ans maintenant, je crois. Et c'est quoi, c'est Kung Fu? Parce qu'il y a aussi un sport justement qui dérive de là, ça s'appelle, je sais pas si tu connais, la boxe chinoise. Alors, j'en fais également de la boxe chinoise, donc ça s'appelle du... Donc alors, en fait, c'est pareil, en boxe chinoise, il y a plusieurs catégories, entre guillemets. On différencie surtout le kinda, donc le sans contact, entre guillemets, ou alors c'est du combat à la touche, ça en fait, avec toutes les protections, casque, plastron... C'est pour ça un peu de ceux, toi. Ça, c'est en partie combat. Casque, plastron, potage, tibia. Et là, le but, c'est d'aller à la touche. Et on a également du plein contact. Et là, ça s'appelle du sanda. Et là, on peut être sur des combats qui vont jusqu'au KO, quoi. Kira et Sanda. Voilà, Kinda et Sanda. Kinda, voilà. Et Sanda, okay. Et donc, tu pratiques ça aussi dans ton club? On en fait. Surtout, en combat, on fait surtout du Kinda parce que. Parce qu'on n'est pas non plus à se taper dessus. Enfin, surtout que c'est beaucoup des jeunes, et je pense qu'il faut avoir un certain âge quand même pour faire du Sanda. Et Kinda, c'est avec des armes? Alors, le combat, c'est sans armes. Il y a un style de combat entre guillemets à l'épée qui s'appelle le Tuanping. Ouais. Et là, c'est un sabre en fait. Bon, pour le combat, c'est un espèce de sabre avec un bâton avec de la mousse autour. Et c'est de toucher alors. Ouais, voilà, c'est toute la touche avec que des mouvements très codifiés. Il y a une liste de mouvements que tu peux pas faire. Tu peux pas inventer n'importe quoi en fait. Et pareil, les déplacements, c'est assez modifié. J'en ai fait qu'une seule fois. Et c'est assez technique en fait. C'est un peu artistique, non? Puisque t'es obligé d'exécuter des mouvements. Pour le Tuanping, ouais, pour le bâton. Et sinon, on a les. Pour ceux qui connaissent le karaté, on pourra parler de ce qui se rapproche des katas, donc nous ce sera les taolu. C'est des formes en fait d'enchaînement de mouvements, de combat en fait, de techniques de combat, mis sous forme un peu artistique on va dire, histoire de faire des enchaînements. En fait, c'est un taolu, c'est comme un combat parfait, et on se déplace donc sur le. Dans l'espace, mais seul. Voilà, c'est ça, seul. On peut avoir des taolu à plusieurs, et là c'est assez stylé. Surtout si on commence à mettre des armes là, taolu à l'arme à plusieurs, c'est assez stylé. Genre, souvent on voit souvent dans les pages que je suis sur Facebook par exemple, des taolu à la lance, et c'est assez impressionnant. Genre, il y a une des personnes qui pique, et autour du cou de l'autre personne qui va tourner la tête, il y a des trucs de fou. C'est assez impressionnant. Voilà, donc nous on fait du style du Nord, et d'ailleurs on a la chance, tous les ans, 4 fois par an. Il y a un grand maître, la personne qui a fait démocratiser surtout le Wushu en France, qui est Monsieur Roger Hittier, qui vient nous faire des stages. Roger Hittier, qui vient nous faire des stages 4 fois par an en fait pour apprendre un tao ou travailler, c'est vachement intéressant. On fait des super interventions. D'accord. Pour être ceinture noire, t'en as fait depuis combien de temps? J'en ai fait depuis. Alors, je suis passé ceinture noire il y a 2 ans. Premier dan, donc c'est en gros, en fait, le système de ceinture, c'est pas du tout comme au judo ou au karaté où on a des ceintures de couleur. En fait, là, pour l'instant, nous, enfin, c'est même pas pour l'instant, c'est nous, la seule ceinture, on va dire, qui a vraiment de la valeur, c'est la ceinture noire. Et avant, t'as juste, enfin, donc le premier dan, en fait, après, ceinture noire, deuxième dan, etc. Est-ce qu'il faut attendre deux, enfin, le n nombre d'années pour passer la énième dan? Par exemple, moi, j'ai passé la ceinture noire, il faut avoir 4, je crois que c'est 16 ans ou 14 ans minimum avec 2 ou 3 ans de pratique. Et par exemple, pour passer le deuxième dan, donc il faut que j'attende 2 ans. Pour passer le troisième, etc., il faut que j'appelle le temps de 3. Mmh. Et là, par exemple, donc je pense que j'ai passé mon deuxième dan à la fin de l'année. Et en fait, avant cette ceinture noire, on passe des grades d'école. Donc, ce qu'on appelle les grades d'école, c'est des grades qui sont livrés par le professeur en interne. Et avant, en fait, on a une ceinture blanche pour les jeunes et pour les ados. Et après, ceinture rouge à partir de 16 ans. Ah, d'accord. Voilà. Et juste pour revenir à ce que tu disais, Mathias, tu sais, genre quand tu disais N dan égale à N année de pratique, ouais. Juste, j'en parlais justement avec Tiffany la dernière fois, et je sais pas si c'est moi qui te l'ai dit, mais au judo, en fait, et du coup, Kung Fu, je m'y connais pas. Ouais, ouais, c'est un sport juste assez méconnu en France, ouais. Enfin, j'ai quelques bases, tu vois, en connaissant Ip Man, Bruce Lee. Ouais, bah oui, tout à fait. Voilà. C'est vrai. Hein, ouais. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça s'est popularisé, Wing Chun, surtout le Wing Chun. Bruce Lee a fait a fait beaucoup de bien au sport, entre guillemets, avec les films, en fait, parce que il a vraiment mis à la lumière un peu un sport qui, finalement, en France en tout cas, n'est pas du tout connu, en fait. Par Ip Man, c'est des très bons films. Ouais. Et pour en revenir à ce que je disais, en vérifiant ce que mes propos justement de N dan égale N nombre de pratiques avec la ceinture, c'est un truc qui s'avère quand même un peu faux. D'accord. Enfin, en fait, surtout au judo. Pourquoi? Parce que on va dire au début c'est vrai, dans le sens là où t'as la ceinture marron, tu dois attendre un an de pratique avant d'avoir le premier dan, c'est vrai. Et c'est la même chose pour le deuxième dan, sauf qu'au bout d'un moment, c'est-à-dire au bout du troisième dan, il faut que tu sois professeur. Oui, d'accord. Ah oui, ok, d'accord. Et il faut que tu aies fait des années de pratique. Par exemple, pour un moment, tu dois faire 25 années de pratique pour atteindre ton nombre de dan. Okay. Donc au bout d'un moment, c'est très très compliqué d'avoir ses dan. Oui. Comme c'est un très grand judoka qui va en janvier passer son 9e dan. 9e dan. Oui, c'est c'est l'avant-dernier dan avant d'arriver au 10e. Bah, il s'appelle Feltz, c'est mon professeur de judo Patrick Mopu qui m'en a parlé. Et bah, justement lui, il est quand même vieux, tu vois. Ouais. C'est pas quelqu'un qui a attendu, justement, comme on dit, les années de pratique égale. Tout à fait. Ouais, parce qu'en faisant le calcul, non, il a que 52 ans, or il a beaucoup plus. Oui, oui, d'accord. Mais après, oui, de toute façon, c'est des années minimum, on va dire. Après, tu passes quand tu veux. Et après, ça, c'est défini au niveau fédéral, je pense. Oui, ça dépend Un peu comme. Pas comme on veut, entre guillemets, mais c'est les fédérations qui gèrent ça. Pour leur sport. Oui, voilà. Mais c'est nous, Roger Etier, là, qui vient nous faire des stages, il doit être. Je crois qu'il est 7e Dan, je crois. Ah oui? C'est vraiment à chaque fois qu'il vient, c'est super intéressant. On fait vraiment des bons trucs. Et puis même au-delà du sport, il dit toujours des trucs. Il connaît l'histoire de la Chine. C'est incroyable. Le mec il connaît des trucs, mais c'est fou. Puis il se souvient de tous les noms, les mouvements, c'est incroyable. Bah après, la Chine c'est un grand patrimoine quand même. C'est incroyable. Ouais. Et d'ailleurs, en revenant sur l'histoire de Bruce Lee, je sais pas si t'as déjà entendu parler de cette anecdote. C'est une anecdote qui est vraie. Ouais. Vérifier tout ce que tu veux. Alors, c'est Bruce Lee qui, un jour, était parti à une conférence. C'était quel sport de combat est le meilleur, Je pense à vérifier, ça s'est passé aux États-Unis. Je n'en suis pas sûr. Je pense que soit aux États-Unis, soit en Chine. Et donc, lui, il y a participé. Et là, un homme est venu. C'est genre, il était assis en tant que spectateur et tout. Et là, un homme est venu, a dit « Ouais, voilà, je suis debout. Et pour vous prouver que mon sport, c'est le meilleur, je vous encourage à essayer de me pousser et vous n'y arriverez pas. » Ouais. Donc, tout le monde pris au défi, tenta à son coup. Ouais. Sauf qu'ils échouèrent tous. Et là, Bruce Lee, quand il est venu pour essayer de le pousser, la chose que l'homme faisait, c'était en gros, « Ouais, vas-y, bon courage, il essayait de le larguer et tout. » Et là, Bruce Lee l'a frappé. Et le gars, directement, il est tombé KO avant ça le coup. Et les gens, ils ont dit « Pourquoi t'as fait ça? T'es fou et tout. » Et Bruce Lee, il a sorti « Je ne pousse pas, je frappe. » C'est un son de Bruce Lee, ça m'étonne pas. Non mais c'est bien. Pas mal. Je connaissais pas l'anecdote. Bah écoute, c'est bien marrant. Moi je connaissais pas le sport, mais ça m'intéresse. Je crois que je vais m'y inscrire. C'est vrai? Ouais, comme ça je peux. C'est bien. C'est pour l'énergie. C'est bien. Ça, c'est fait, bien. Ça fait plaisir de. Ouais, anti-stress, de voir que... t'inquiète pas. Oui, et oui c'est, bah, c'est pareil. En, si tu veux travailler les, tout ce qui est énergie, etc., il y a le Qigong. Qui est un. On va dire une branche. Un peu plus zen. Un peu plus. Ouais, un peu plus basé. En fait, basé sur les énergies vraiment. Sur les... Et ça, c'est. Ouais, donc chinoise. Et puis après, il y a aussi du tai chi. Tai chi chuan. Si... Mais ça, c'est comme le yoga. Le tai chi, non. Tai chi, c'est. Je sais pas, si tu vois l'image de, dans, les grands, dans les parcs en Chine où t'as des plein de personnes qui font des mouvements un peu lents. Et voilà. Ouais, ça, c'est ouais, le tai chi. Mais enfin, si tu veux travailler les énergies, ouais, le qigong, ça peut être intéressant. Mais je te remercie Théo pour ton intervention sur ton sport. On va faire une petite pause musicale et ensuite on va te poser des questions sur toi en particulier. Pas de soucis. Mais merci pour cette découverte. Oui. Mais t'es toujours mystérieux. Numbers de Boy. On se retrouve sur RCO toujours pour la dernière partie de cette émission qui est la dernière émission avant les vacances de Noël. Et ensuite, aux vacances de Noël, on se retrouve et on va tous être contents. La radio va plus bouger. 2018. 2018, ouais, nouvelle année. Nouvelle année, nouvelle. Et oui, on va faire plein de trucs. Il faut juste être au taquet niveau communication. On espère qu'il y aura plein de gens qui nous écouteront. J'ai la pression. t'as la pression. Pourquoi t'as la pression? Why? Parce que t'es responsable communication, c'est pour ça. Peut-être. Ça, c'est peut-être ça, pour ça. Ça peut jouer. Bon, tu es toujours anonyme et mystérieux. Oui. Mais est-ce que t'es comme tout le monde? Est-ce que t'es différent? Tu te lèves tôt le matin? Est-ce que t'es lève tôt, lève tard? J'ai eu une période de lève tôt. Maintenant j'ai tendance à plutôt me lever plus tard en fait. Surtout quand je peux. Parce que j'ai eu le permis il n'y a pas longtemps. Et je veux dire, quand on prend à 10h, ça change la vie. De pouvoir venir à la fac plus tard. Parce qu'avant je landais de 8 à 10, c'était formidable. Et du coup voilà, non maintenant plutôt lève tard on va dire. Plutôt lève tard. Ouais. Ouais, plutôt. Ouais, ouais. Ouais, plutôt ouais. Est-ce que tu joues beaucoup aux jeux vidéo ou tu sors? C'est binaire, hein, soit l'un soit l'autre. Non, parce qu'il y en a, ils restent cloîtrés dans leur chambre. Hein. Alors, je joue pas trop. En fait, je jouais à une époque, je jouais plus. Maintenant, je code plus, on va dire. Après, non, je sors. Ah, c'est-à-dire qu'après, il faut dire que à Dijon, dans mon petit patelin, c'est pas facile. On va pas se cacher. Donc, mais non, mais oui, je pourrais sortir. Je serais, enfin ouais, plus ouais, je sors, voilà. Et pour les gens qui, enfin sauf toi, c'est-à-dire les Mathias, Alex et Tiffany, tu peux pas répondre toi. Pour vous, c'est, disons que c'est un crack en informatique ou quelqu'un qui se bute sur son ordi, mais est-ce que vous le voyez comme le cliché du geek ou pas? Non, pas du tout. Donc il est pas comme ça. Non, physiquement il est pas comme ça. Donc la personne mystère ne ressemble pas à un geek. Il y a les lunettes quand même. Ouais, alors non, mais les lunettes. Un t-shirt blanc avec marqué 90 dessus qui fait trop cliché. C'est vrai? Tu trouves que mon t-shirt fait cliché? Ah, je trouve que t'es super cliché. J'adore mon t-shirt. Dans ma tête, t'étais soit informatique, soit physicien. Ah ouais? Ouais. D'accord, bah non, ça sera informatique. Bah voilà. Voilà. Ah, voilà, mais je suis fier de porter mon t-shirt aujourd'hui. Voilà. Non, mais Alex, elle aime bien, tu vois sortir des trucs comme oui, ça. Oui, mais y'a pas de soucis. Non, mais voilà, moi j'aime bien mon t-shirt. Non, moi ça fait pas de cliché. Et toi, tu penses, Raouf? Non, pas du tout. Alors, on dirait même pas qu'il fait du sport. Enfin. On dirait pas qu'il est. Enfin, non mais tu rigoles, mais non, je te promets oui. Que quand tu vois, enfin tu sais genre avant qu'ils me disent qu'il faisait du kung-fu ou quoi, genre je l'aurais pas pensé, tu vois. Donc il est encore plus mystérieux que prévu parce qu'à chaque fois on n'a pas l'impression qu'il est ce qu'il est. Je suis inattendu en fait. Inattendu. Voilà. Alors qui es-tu? Eh ben ça c'est la vraie question. Vous voulez mon nom? Son nom? Vous voulez mon nom? Vas-y. Bah je m'appelle Théo. Théo Martos. Voilà. Incroyable. C'est donc lui? C'est donc lui. Ah, mais c'était lui! Ah, c'est marrant ça! En cinquième, tu me devais pas 10 euros! Au fait, lui là! Ah bon? D'accord. Ah bon? Alors, ah bon, il est 18h59, ah. On a une contrainte de temps puisque. Dans une minute. Le bâtiment. Oui, bah, je pense qu'on va déborder un petit peu pour pouvoir finir l'émission. Raouf, tu es toujours chaud? Je suis toujours chaud. C'est une constante. Alors, pour pouvoir nous faire un petit freestyle, je vais récupérer le nom de ta musique et on va falloir se dépêcher parce que Kevin, le responsable du bâtiment, va bientôt fermer. Alors là, c'est vraiment un peu en mode illégal. Alors, on est sur du thug là. Ça va pas durer longtemps, je viens juste de commencer à l'écrire. Ça s'appelle. Enfin, je me suis basé sur l'instru Epic Rabbit que vous trouvez très facilement sur YouTube. Oui. À côté, il y a écrit Hard Trap Instru. Alors, Epic Rabbit. Ouais. D'accord, et. Non, c'est. L'image, c'est une sorte de voiture, un truc du genre. D'accord, c'est bon, je l'ai. Tu l'as? Bon. T'es prêt? Je te laisse présenter un peu ce son ou pas? Ou direct? Bah, alors pour faire simple, j'écris sur des coups de tête. Quand j'ai envie d'écrire, j'écris. Là, je me suis dit, je vais essayer un peu la trappe, un peu de faire sur un truc lourd, c'est-à-dire limiter les phrases. Et c'est ce que je me suis donné pour défi. Et j'ai envie de savoir si vous validez ou pas, si vous trouvez ça bien fait ou pas. Et donc voilà, à vous de me dire. Ouais. Les personnes qui écoutent, si vous kiffez. Enfin, je suis toujours dans le bail rap français, même si des fois j'essaye d'écrire en arabe ou en anglais. Et donc voilà, franchement, si vous kiffez le fait qu'on fasse des freestyles et tout, bombardez, enfin, faites. Moi, en tout cas, je suis toujours content de les enregistrer. Alors. On n'a pas assez d'auditeurs pour qu'ils puissent créer leur auditocratie. Et moi, si j'ai envie d'écouter, on en écoutera. Voilà. Allez, je te remercie. Je te mets l'instru et tu pars quand tu veux. C'est ça? C'est ça. Vas-y. 2, 1, 2. Alexander on the beat. Mar, RN. Ok, ça fait. Ça fait. Rap, sport, je suis un tout-terrain. 700 rapports, je défie tout-terrain. J'ai la volonté du feu, pas comme eux, pas de ces peureux paresseux. Ok, ça fait. Perds ton combat, pas ta fierté. Courageux qui peut me tester. Que défaut, je suis sous cellule mère. Je compte pour 4 avec ma mère. Je vais tout péter, short de terre. Parle pas frère, je suis trop déter. J'accélère jamais, je freine. Rap en haine, ça s'enchaîne. Une go vaut mieux que s'enchaîne. J'ai la haine et pour eux de la peine. Ok. Mi frère, que ça devrait. Tire dans le plexus mesuré. Tu fais le gars gros, t'es rainé. Un contre un, je vais te traîner. Seul tout est qu'une traînée. Tu es chaud et moi fou. Avec moi, t'es prêt à tout. Si mon coup, tu l'évites, je te soulève, tu l'évites. Je te plaque au sol, au pété. Et ouais, gros, tu m'as cherché. Je me pas peu, pas que j'ai peur. Arme KT, 7, ma valeur. Plus efficace que ton gain. Je te course à la night run. Je fais tout pour. Mes parents du shit, jamais je vends, ok. J'pars sur une improvisation, toujours en progression. À ce qui paraît, j'essaye de faire de la trappe. Plus tout gentil quand on essaye du rap. Je me lance très peu ou alors j'essaye de faire des trucs comme ça pour voir si ça marche. Et après je rigole en m'enregistrant. Et ouais, je fais que le go-gol, je rigole. Je m'appelle M-A-R-R-N. Et je vous laisse. Je te remercie Raouf, c'est cool. Ouais grave. Non, ça va bien. Franchement freestyle et tout, pas prévu. Moi je te remercie, c'était grave cool. Bon, mais là ça va être la fin de l'émission, contrainte de temps. Voilà, l'émission les prénoms normalement il y a plus de gens parce que c'est le concept. On va retrouver voilà les animateurs normaux, Renan, Florian et tout voilà. Ça à la rentrée. Voilà. Et avec d'autres émissions. Ouais, c'est sûr. Voilà, mais on va faire de la com et essayer. Ouais, essayer de faire du bouche à oreille aussi de votre part. Voilà, donc à la rentrée. Merci à vous, bonne année, bonne santé. Bonne année déjà ? Bah, on va pas leur nous, parler. Nous, on sera pas là, on n'aura pas accès au bâtiment. Bonne année, bonnes vacances, bonne Noël. Joyeux bonne Noël. Fête. Ouais, bonne fête, voilà. Profitez de tout. Profitez de tout. Pas d'indigestion. Et nous, on se prépare parce qu'on est toujours aussi motivés, hein. Un Raouf, Alex est un truc qui est en train de faire des travaux de com là. On a des caméramans de qualité. On est toujours aussi motivés et là on va se donner à fond pendant les vacances pour pouvoir préparer voilà. Des trucs. Bravo à vous en tout cas les mecs, merci pour l'invitation. Ouais. Merci à tous. Merci Théo. Donc c'était Mathias, Théo, Tiffany, Alex et moi Raouf. On vous remercie tous d'avoir été là. Et donc comme on vous a dit, début de la rentrée, enfin début 2018 ça va s'annoncer lourd. On vous remercie un max d'avoir été présent jusqu'à la fin de ce live. Et voilà, je pense que Mathias a un dernier truc à dire. Moi, dernier truc à dire, non, ben voilà, on espère vraiment que tout ça se lance parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, cette radio. Et mon dernier truc à dire, ce sera une musique. Et puis après, moi, je vais vous quitter. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre comme musique ? J'ai envie de mettre cette petite musique. Voilà, je vais faire plein de gros bisous à vous tous et je vous retrouve à la rentrée. Bisous ! Estaba fazendo corre pe matam, mas é que matam. se combattant, mais d'autres aiment pas tout douter. Vizinha, bon mon cavalé, oh vizinha, bon mon cavalé, vizinha de buraca, bon mon cavalé, oh vizinha, bon mon cavalé. Sola, a tu ya va a curvar.